Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Pour la chronique du Club plein air UQTR, c'est Catherine Langlois. On va descendre la côte! Bonjour Catherine Langlois, ça va? Ben oui, ça va bien et toi? Oui, merci d'être avec nous pour une deuxième chronique. Ben ça fait plaisir. Tu nous as pas abandonné après la première comme j'aurais pensé. Ben non, ça a pas marché. Ah, on a tellement essayé de faire des mauvais gags, de parler de caca la semaine passée pour se débarrasser de toi. C'est elle qui a parlé de caca. Ben c'est ça, c'est moi qui avais commencé de toute façon là. T'essaies de te débarrasser de nous autres, c'est ça que tu fais? Peut-être. On va quand même continuer la session ensemble. Donc, on parle de plein air pour le Club plein air UQTR chaque deux semaines. C'est ça, exactement. Donc, le comité UQTR, là, notre local, il est situé juste à côté de la bibliothèque, au deuxième étage, là, du côté d'Albert Tessier. Derrière le grillage, Le fameux grillage là, qu'on se demande c'est quoi quand c'est pas ouvert. Oui. Envoyez-leur pas des petits nananes à travers le grillage. Ils sont pas là. S'il y a un grillage, ils sont pas présents. Exactement. Ça va pas les attirer parce que tu lances des bananes. Ça vaut pas la peine. Ben non. Ben justement, nos permanences, là, si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est là pour venir poser des questions, c'est du lundi au jeudi, de 11h30 là, à 2h, donc sur l'heure du dîner. Puis en plus, il y a du café gratuit. Je savais qu'il y avait ça, du café. C'est vraiment et important. Et le café, il faut le dire, est probablement entre 50 et 75 fois meilleur que celui qu'il y a devant à la cafétéria. Ah, ben là, ça, j'ai pas le droit de dire ça. Mais moi, je l'ai dit. Mais nous, on va le dire. C'est ça. Parce que c'est minimum 50 fois meilleur que la cafétéria. Pas que la chasse-galerie, c'est une autre affaire. Ça, c'est certain. C'est ça. On tourne dans une catégorie à part. Exactement. Un monde à part, comme Catherine Brunet dans Le Monde de Charlotte. Voilà. Ça s'appelle ça? Oui. Donc, on parle d'un sujet quelconque encore aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle? Bon, on va parler, là, parce qu'on est dans un entre-deux de saison, un peu. Oui. Là. On n'est pas trop l'été. On ne sait pas si cette semaine va faire chaud, il va neiger, là. On se demande. Là, il fait beau, mais ça pourrait ne pas durer. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai décidé, allons tout de suite dans l'hiver. OK. On va parler de comment se préparer, puis des trucs et astuces pour le camping hivernal. Non. Parce qu'on n'ose pas trop, ça. Non, ouais. J'aime pas cette chronique-là, là. Mais ça fait peur, le camping hivernal. Souvent, on dit « Ah, je suis pas sûr, moi, je vais avoir froid, tout ça. » Fait que on va démystifier ça un petit peu. Probablement que tu vas avoir froid, c'est l'idée de la chose, je pense. Ben, en tant que tel, pas vraiment. Fait qu'il y a des trucs et astuces là, qu'on peut faire qui vont rendre le tout très agréable. Okay. Fait qu'on va voir ça. Mais avant, là, je vais annoncer quelques petites nouveautés. Oh boy! Au niveau du comité. Donc, c'est sûr, mercredi, on a notre fameuse activité Slackline. Oui. Donc, de 11h30 là, à 16h, sur l'heure du dîner, tout près là, du pavé à l'espace vert. Donc, ça va être à cette place-là. Ensuite, petite nouveauté que je suis très fière, au mois de décembre, donc en début, là, juste avant la fin de session, on va avoir une conférence et on a trouvé une conférencière, donc c'est Gitane Charon. Ben oui, toi! Oui! Gitane Charon, elle connaît de la Luitre, entre autres, de l'Ac d'impro. Exactement, donc peut-être que vous la connaissez, là. Ça va être, entre autres, on l'apprend parce qu'elle est blogueuse, donc s'il y en a qui veulent aller voir son site, là, c'est la globelovers.com. Mm. On va mettre le lien également sur la page Facebook du comité. Donc, c'est très intéressant. Là, c'est quelqu'un qui a fait des trips un peu partout. Elle a fait un road trip à Terre-Neuve. Elle est allée là, toute la côte ouest américaine également. Puis un peu là, en Espagne, en Europe. Bref, plein de sujets trippants là, qu'on va pouvoir avoir dans cette conférence-là. Ensuite, ben il y a encore là, la fin de semaine de ski qui est en préparation. Donc, pour les personnes là, qui seraient intéressées, peut-être le Massif, Mont-Sainte-Anne, on regarde ça pour cet hiver. Et je vous dirais que c'est pas mal ça, là. On vous attend mercredi, encore avec la petite soupe pour la slackline. Quelle sorte de soupe? C'est un classique. Ben, je pense que ça va être pas mal bouillon de poulet. OK. C'est un classique. Ouais, c'est ça, un petit classique qui réchauffe là, puis qui fait du bien. Exact. Malade. Est-ce qu'on attaque le sujet d'aujourd'hui? Ben oui, on l'attaque tout de suite. Donc, premièrement, pour les personnes qui en ont jamais fait, c'est sûr que c'est toujours recommandé pour le camping hivernal d'aller faire des initiations. Donc, il y a beaucoup de magasins de sport. Entre autres, là, on peut parler peut-être de Sel Yeti aussi, qu'on connaît bien en Mauricie. Des magasins comme ça qui souvent offrent à des petits groupes de partir en expédition avec un guide. Donc, pour la première fois que vous faites du camping hivernal, on ne sait pas trop comment s'en sortir des fois. Pour être sûr que ça rend agréable, ça peut être quelque chose qui est intéressant de le faire guider. Ensuite, si vous vous dites, ben non, moi je veux partir autonome, il y a certaines choses qui est vraiment importante de faire. Donc, premièrement, ben quand vous allez regarder pour avoir un espace de campement, c'est très important que ça soit le plus plat possible, évidemment, ça c'est comme dans un camping d'été, mais le plus loin des cours d'eau possible. De plus, là, pour être sûr avec la neige et tout, pas que ça se ramasse mouillé si jamais il y a des fontes. Ça, c'est bien important. Ensuite, on creuse toujours dans la neige un peu. Donc, pour avoir un muret autour de la tente, très important, et on bâtit le campement en premier. Donc, on oublie tout le temps ça, là, on veut faire des batailles de boules de neige en premier, on se ramasse, là, le soleil se couche vraiment tôt l'hiver, donc on préfère là, le bâtir tout de suite pour être sûr de ne pas être mal pris. Ensuite, si jamais vous êtes mal pris puis vous avez oublié vos piquets, ça peut quand même être très pratique pour faire tenir une tente debout. Truc et astuce, là, vous pouvez planter vos raquettes. Ah, ben, bonne idée. À la place. Oui, ça se fait très fréquemment. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis, chose que je ne savais pas, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser une tente spécialement là, pour le camping d'hiver. Okay. Donc, on a tout le temps tendance à dire, ben, il va falloir que je m'achète une tente, que je m'équipe et tout. Non, ça peut être une tente d'été. Donc, c'est sûr que si vous partez là, une semaine à un gros trip en chien de traîneau, là, non, ça va être important d'investir pour une tente d'hiver. Par contre, là, pour juste deux nuits, il n'y a aucun problème à utiliser les tentes d'été que vous avez chez vous. Ah, donc ça peut être super intéressant parce qu'on s'entend, une tente, ça coûte quand même assez cher. Combien, mettons, en général? Ben, c'est sûr que ça dépend toujours de la qualité. Ouais. Mais on peut peut-être aller, là, moi j'en ai déjà vu, on pourrait dire peut-être 300-400, ça serait peut-être une bonne moyenne. Quand même, mais tout ouais. de même, tu sais, je dirais, là, faut magasiner. Pour un étudiant, c'est bon d'économiser ça. C'est ça. C'est ça. Puis tout le monde a un ami qui a une tente d'été en quelque part. Oui. Fait que ça se fait la bien. La plupart du temps. Ouais. Ou une tante ou un cousin. Drôle. Exactement. Ah non, mais je parlais de tente, tu sais, une oui, tente. Oui, non, j'ai... C'est le genre de blague que j'ai fait souvent dans ce genre de chronique que j'ai regretté à chaque fois. Et voilà. Là, je me retiens, je me mords les joues. J'aurais donc... Puis tout est fait. C'est ça. Ben non, c'est pas grave. Donc, ensuite, ben c'est sûr, le soir, avant de dormir, pour se retenir, là, pour être sûr de garder la chaleur avec vous, vous pouvez juste prendre un bol. Donc, il est bien important d'avoir un réchaud aussi. Là, ouais. Ça, c'est très important. Prenez un bol, vous remplissez de neige, vous faites des trous avec vos doigts dedans là, pour que ça fonde plus vite. Donc, l'eau va bouillir, vous le transvidez dans une bouteille d'eau bien simple. Ouais. Et vous la gardez avec vous dans le sleeping bag. Oh, donc, wow. On ne pense pas tout le temps. C'est super simple à faire. Sinon, tu peux pisser dans la face de l'autre aussi. Ah, ouais. Ça peut être une bonne option, mais un peu moins propre, un peu moins hygiénique. Ouais. Je tenterais peut-être pas cette approche-là avec tout le monde. C'est probablement que tu perdrais tes amis aussi après, c'est mais... Ça. Ils voudraient peut-être plus retourner et te passer tes tentes aussi. C'est ça. Chacun ses fantasmes. Ah, ben oui. Mais ça sera un autre sujet. Mais ensuite, ça, on n'y pense pas tout le temps. Par contre, la bouteille d'eau que j'ai parlé... prenez-la à l'envers. Okay. Donc, dans le sens, le mettez-la pas debout normalement. Là, mm-hmm. Parce que sinon, ben, l'eau va toute geler dans le bouchon. Puis demain, ben, vous ne pourrez pas la rouvrir. Ah oui. Okay, petit truc important. Ensuite, des réchauds. Comment on magasine ça? Ben, c'est certain qu'il y en a plusieurs, mais la plupart qui se vendent pour le camping d'hiver, ils n'ont pas de niveau. Donc, ils ont juste le maximum là, pour la chaleur. Ça, c'est vraiment important. Tout va cramer si vous ne faites pas attention. Il y en a certains là, qui ont des niveaux que vous pouvez ajuster. Ça, c'est un petit peu plus fancy, cher, un petit peu plus cher. Ça, c'est certain. Mais c'est bien important de les prendre en combustible liquide. Mais tu fais quoi si c'est à un seul degré, toujours très, très chaud? C'est quoi, tu soulèves le ou tu le mets moins longtemps? Oui, exactement. Ça doit être compliqué. Tu peux pas le laisser aller puis aller regarder une émission de TV sur ton iPad. Là. Non, c'est ça. Tu restes à côté, ça, c'est certain. Ouais. Mais tu vas pas vraiment faire du camping pour garder ton iPad. Ah, de nos jours, je pense que les gens font ça aussi. Okay. Ah, on espère que les forêts tomberont pas encore Wi-Fi. C'est ça. Quoique le parc de la Mauricie a Wi-Fi, non? Oui. Ouais. Je pense que c'est à cause du géocaching aussi. Ça se peut, oui. Oui, c'est quelque Mais chose comme si ça. Mais pour le géocaching, ça fonctionne pour tout aussi. Facebook et Ouais, ça. En effet. Ouais. Malheureuse. Ensuite, pour garder au chaud, ben c'est sûr qu'on a les petites pochettes chauffantes là, qu'on connaît bien, qu'on peut mettre dans nos vêtements. Les pizza pochettes. Ben oui. Ben oui, tu casses la pizza pochette, puis tu la mets dans tes vêtements. Non, c'est vraiment sûr, là, avec un petit liquide dedans, où est-ce que tu casses, c'est un peu les mêmes principes que les sacs de glace que vous faites casser. Oui, c'est vraiment, ça c'est scientifiquement vraiment impressionnant ces trucs-là. Exactement. Oui. Parce que c'est vraiment une question de secondes, là, ça se met à chauffer. Oui. Puis il y en a plein qui se vendent des réutilisables, on a tendance à prendre toutes les jetables, mm-hmm. mais achetez-en, là, ça coûte peut-être un petit peu plus cher que les jetables, mais la façon de le réactiver, c'est super simple, vous les mettez 15 minutes dans l'eau bouillie. La pochette, puis ça redevient comme neuf. C'est magique pour vous vrai. Vous pouvez toujours l'utiliser. Ouais. Ça, c'est super. Puis ensuite, chose quand on va se coucher. C'est certain, dans le sleeping bag, mettez dans le fond de votre sleeping vos vêtements pour le lendemain. Ah. parce qu'on dégage la chaleur. Oui. Puis tout le monde s'est réveillé un matin, puis il trouvait que ses vêtements étaient gelés. Puis là, c'est pas agréable le lendemain matin. Là. Puis même s'il sentait le pied, c'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. C'est ça, exactement. À la limite, on peut se mettre des bas avec du poivre encore dedans. Oui, mm-hmm. Un petit oui. rappel de l'épisode d'il y a deux semaines. Exactement. Donc, les bottes aussi. On peut faire la même chose, sauf que là, on les bourre de papier journal okay. pour pas qu'ils soient gelés. Ah. C'est tous des petits trucs et astuces là, qui vont permettre de passer nu quand même agréable, même s'il fait moins 20 dans la tente. Mm-hmm. Ça reste que, en plus, en soirée, là, les petits feux en forêt, ça, c'est permis où est-ce que vous allez. C'est toujours agréable. Puis on, des fois, on veut pas toujours traîner un lighter parce qu'avec le vent et tout, des fois, ça nous prend 20 minutes avant de réussir à avoir une petite flamme, mm-hmm. une petite étincelle. Un truc pratique, c'est le bloc de magnésium. Okay. Donc ça, ça se vend là, dans les magasins de plein air. C'est un petit bloc là, argenté. Vous prenez ça avec un couteau. Puis avec le couteau, vous avez des petits copeaux sur le bois. Donc vous faites ça, vous le coupez. Et ensuite, avec un coup de couteau sur le bloc, ben ça donne une étincelle. Wow. Puis ça va partir. Ah, ouais. Donc, c'est super simple. Donc, même s'ils ventent, vous avez vraiment plus de chances de réussir qu'avec un lighter là, qu'on a ici. Ensuite, au niveau du sleeping bag, mais là, il y a plusieurs choix. Mais les deux que tout le monde va conseiller, là, c'est sûr que c'est celui qui est soit synthétique, soit en duvet. La différence entre les deux, c'est sûr que le synthétique, bien, ça résiste beaucoup à l'humidité. Mm-hmm. Donc, vous n'aurez pas là, de l'humidité qui va rentrer et qui va vous faire vraiment avoir froid. Mais en tant que tel, c'est sûr que c'est un petit peu plus lourd. Donc, à transporter, c'est moins compact. Également, ça garde une température constante là, dans le sleeping bag. Pour le duvet, c'est sûr que c'est vraiment léger puis compact. Donc ça, ça se transporte super bien. Mais par contre, au niveau de l'humidité, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup chaud, allez plus avec le synthétique parce que le duvet, là, vous allez le garder puis ça va être vraiment très humide puis ça va finir que vous allez avoir froid. Ah. Donc, pour les personnes là, qui ont vraiment froid tout le temps, allez-y avec le duvet. Pour les autres, allez-y avec le synthétique. Les gens normaux. C'est ça. Ensuite, ben, c'est sûr, un matelas isolant en mousse. Tu sais, y a les petits là, que vous pouvez gonfler mm-hmm. automatiquement. Ça, c'est super pratique parce qu'à même le sol, vous n'aimeriez vraiment pas ça. Surtout qu'il y en a certains là, qui vont un peu plus dans le style un tipi. Donc, pas de sol, là, à même la neige. Amenez-vous vraiment un matelas isolant. Pas nécessairement question là, d'épaisseur pour le confort, mais bien d'isolation. Mm-hmm. Ensuite, ben, dans la journée, comment est-ce qu'on s'habille? C'est sûr qu'on a besoin de plusieurs couches de vêtements, parce que dépendamment des activités qu'on fait, là, on doit en enlever. C'est le même principe, par exemple, là, pour les personnes qui montent le Mont Everest. Là, je ne sais pas si vous en avez déjà eu des conférences. Les personnes, ils se promènent avec 10 millions de couches de vêtements qu'ils enlèvent aux deux secondes. Ah, ils passent plus de temps à se changer qu'à monter quasiment le Mont Everest. Parce que des vraies filles, toi. C'est super important. C'est ça qui ne suit pas dans leurs vêtements. Ah, OK. Fait que toujours enlever là, le gros manteau quand vous commencez à faire de l'activité physique parce que sinon, la sueur, ça va vraiment devenir très, très froid quand vous allez remettre le vêtement. Puis là, ça sera pas agréable du tout. Mm-hmm. Fait que comme couche de base, donc celle qui est directement sur votre peau, on conseille là, un tissu synthétique, un peu comme le sac de couchage. Donc, sinon, en laine de mérino. Ben, c'est sûr que laine de mérino, ça coûte un petit peu plus cher. C'est quand même dispendieux comme produit. Fait que pour le tissu synthétique, ça fait la job quand même. Puis, ça permet là, d'évacuer l'humidité que vous allez avoir du corps. Mm-hmm. Ensuite, par-dessus ça, ben, on met une couche isolante. Donc, celle qui va faire, qui va garder votre chaleur corporelle pour être sûr de ne pas avoir froid. Un tissu là, qui est conseillé, ce serait le molleton. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui pas une sorte de poutine chez Ashton's. Oh, je pourrais pas dire, je suis pas une fan d'Ashton. L'adulton, Natalia. Ouais. Ah, ben c'est oui. La pony, ouais. Ok. Ouais. Je la connais pas, par contre. Non. Moi c'est non pas plus, très bon mais... non plus. Oh. Ah, c'est pas bon? Non, c'est vraiment mauvais. À mon avis. Molleton, non? Non, molleton, ça, ça va bien. Oui, ok. Oui, ça va très bien comme couche là, intermédiaire pour retenir la chaleur du corps. Puis, en extérieur, ben, c'est sûr qu'on veut toujours quelque chose qui est imperméable puis aussi qui résiste au vent. Donc, on a les fameux produits, le Gore-Tex. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça, les gants ouais. sont faits en ça, des fois, il me semble. Oui, mais il y a, par exemple, là, les fameux manteaux Arc'teryx, là, qu'il y en a beaucoup mm-hmm. qui portent. Ça, ça peut être fait là, en Gore-Tex. Ben, c'est sûr qu'encore là, on parle que si on veut s'équiper vraiment à qualité et tout, là, Arc'teryx, c'est des manteaux qui sont très dispendieux. Mm-hmm. Souvent, par exemple, chez Ciel ou autres magasins, là, Atmosphère, Sport Expert qu'on a ici, ils ont toujours des options qui sont faites dans les mêmes matériaux, mais qui ne sont pas nécessairement la marque proprement dit. C'est sûr qu'on s'entend que dans le meilleur des mondes, l'Arc'teryx, c'est vraiment une marque qui est pas battable là, au niveau du plein air, mais on peut quand même là, être très satisfait avec d'autres. Donc ensuite, ben, comment on bâtit le campement? C'est sûr là, qu'il faut que ça soit très droit et ferme à terre. Donc il y a le petit mur là, que je vous ai parlé un peu plus tôt là, autour de la tente. mais c'est important également là, que le petit mur autour, vous ayez piétiné un peu autour du campement, donc de la tente, parce que c'est ça. Ouais. Parce qu'on s'entend, là, dans le bois, si vous faites vraiment du hors-piste, en raquette, ça va vraiment être nécessaire. Sinon, vous croulez là, jusqu'aux hanches. Donc, à ce moment-là, on piétine un peu autour. Là, surtout quand on veut aller en pleine nuit sortir dehors, ça serait pas agréable de toujours avoir à mettre ses raquettes et tout. Une petite hache aussi. Ça, c'est vraiment pratique. Puis, en vendre des pas chers. Donc, pour faire le bois. Le bois sec et également là, du bois mort l'hiver, c'est super facile à trouver. Puis, souvent, on a tendance à vouloir ramasser les branchailles qui sont à terre. Mais il y a beaucoup d'arbres qui sont debout. Puis vous avez juste à regarder là, les signes qui disent que le bois est mort. Il est encore debout, mais vous pouvez quand même là, le hacher sans problème. Justement, parlant de mort, tu ne nous as pas encore dit comment cacher un cadavre si quelqu'un meurt lors du camping d'hiver. Une prochaine chronique. Hein? Oui, ça pourrait être une prochaine chronique, mais ça va être difficile à la fonte des neiges. Ah. C'est ça. Mais t'es parti depuis longtemps, fait que c'est correct. C'est vrai. Faudrait que ça soit très loin d'où est-ce que t'habites. C'est ça. C'est ça. Je pense... Moi, y penser. Je pense que ça pourrait être bon pour dans 2 semaines. Mais ensuite, moi, j'ai un petit sujet aussi inusité. C'est bâtir un Quincy. Je sais pas un si vous Quincy. Savez c'est quoi. Un Quincy? Ouais. Pas Quincy, Quincy Jones, là, c'est pas un chanteur. Non, c'est ça. C'est un abri, le Quincy. Ah, ah. Donc, ça remplace la tente. Pour ceux qui veulent pas nécessairement y aller en tente d'été, puis qui veulent pas acheter une tente d'hiver, y a le Quincy. Ça, c'est bâti avec la neige. C'est un peu le même principe que l'igloo. Ouais. OK. Sauf que en tant que tel, c'est moins compliqué. Puis c'est beaucoup mieux au niveau de l'isolation, souvent, là, que les gens disent. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour bâtir un Quincy? C'est sûr que vous avez besoin là, d'une grande pelle pour pelleter la neige, également là, des plus petites, puis du branchage. Donc, des petites branches, là, pas nécessairement là, des grands bouts de bois d'un mètre. Mm-hmm. Ensuite, on a besoin d'une perche. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver, mais une perche de 2 mètres de haut, donc environ là, 5 cm de diamètre, juste pour dire qu'il y a quelque chose qui tient là, puis qui va être un petit peu plus haut que l'abri. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est que évidemment, là, on rend la surface plate dans la neige. Mm-hmm. Puis, on plante la perche et 2,5 mètres là, de diamètre environ autour. Vous mettez ça bien plat autour de la perche et on fait un gros tas de neige. Là. C'est comme si vous vouliez faire, par exemple, bon, comment je pourrais trouver ça? Une demi-boule autour de la perche. Okay. Un gros fort. Ouais. Bon, un gros fort autour, mais plein de neige. Mm-hmm. Puis là, vous faites ça là, à peu près 1,8 mètre de haut. Donc, quasiment là, jusqu'au bout de la perche. Tout ça condensé là, puis bien tassé. C'est sûr que si vous avez de la neige collante, là, c'est le meilleur atout que vous ne pouvez pas avoir. Mais tant que la neige elle reste tassée, là, ça va être parfait. Ensuite, quand vous avez ça, bien, vous prenez vos petits branchages là, que vous avez et vous les plantez un peu partout dans le tas de neige. C'est des branches là, qui doivent être environ 20 à 30 cm de long. Pourquoi? Parce que quand vous allez creuser pour faire l'abri, dès que vous allez voir apparaître un petit bout de bois, vous allez savoir qu'il faut que vous arrêtiez parce que vous allez arriver à la surface. Donc, c'est vraiment là, le point. Les branches, il faut vraiment les mettre perpendiculaires, donc très droit vis-à-vis le sol. Donc, ensuite, c'est sûr que quand vous avez fait ça, donc vous avez votre neige, il est en train là, de durcir et vous avez les branches de planter dedans, vous attendez un minimum de 2 heures avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais l'idéal, c'est sûr que ça serait de le garder une nuit entière. Ça, souvent, là, c'est pas nécessairement possible. Mais 2 heures, là, ça va faire l'affaire. Si vous arrivez en début d'après-midi, il n'y a aucun problème, vous commencez ça. Ensuite, après les 2 heures, bien, c'est important, là, vous allez commencer par la porte, évidemment, à creuser. C'est important. C'est en sens contraire du vent dominant. Donc, où est-ce que ça vente le plus, là, pour être sûr que le vent ne rentre pas, puis qu'ainsi, ça affaiblisse la structure. Donc, toujours sens contraire. Donc, vous creusez la porte. Ensuite, vous faites juste vous fier là, au bâton que vous avez mis un peu plus tôt. Donc, vous creusez un peu partout. Vous pouvez laisser à l'intérieur, par contre, là, un petit step. Donc, un espace que vous ne rendez pas là, le sol plat. Pour soit faire une table, un lit, un sofa détente, peu importe. Là, ça va permettre à la structure d'être plus solide. Un cinéma maison. Ah, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, la table de cuisine, là, ça peut vous servir de multiples choses. Mm-hmm. Ça va vraiment rendre le Quincy plus solide. Puis également, ben, si vous voulez pas nécessairement dormir à terre, ça va vous donner un point d'appui. Ensuite, c'est sûr que le Quincy, ben, ça a une durée de vie, là, je vous dirais, d'environ 3 à 4 jours. Si vous voulez partir plus longtemps, là, il y a des risques d'effondrement quand même. Ah ouais? Ouais. Fait que 3-4 jours maximum. J'irai pas plus loin que ça, là, parce qu'on veut pas qu'en pleine nuit, ça nous tombe dessus puis qu'on n'ait plus d'abri. Mm-hmm. C'est certain. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est qu'ils font des petits trous sur le toit aussi pour l'oxygénation du Quincy. Ça, c'est possible. je vous dirais que tout dépendamment, il faut vraiment que vous soyez bon dans la structure, puisque moi, faire des trous un peu n'importe où, j'aurais peur que ça s'effondre. Mm-hmm. Donc, il faut bien connaître son affaire. Vous pouvez toujours vous pratiquer une première fois là, dans votre cours. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé. Là, quand on a de la neige en masse, vous faites juste un tas, vous bâtissez votre Quincy, vous attendez, vous allez dormir chez vous, le lendemain, vous le bâtissez. Puis vous allez savoir également là, si ça vous tente vraiment de partir en camping hivernal ou pas. Ouais. Donc ça peut être une bonne option. Au niveau, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, là, au niveau des sacs de couchage, mm-hmm. c'est sûr qu'on se demande toujours, ben, est-ce que je devrais prendre un qui va jusqu'à moins 20 degrés Celsius, moins 40? Est-ce que le nombre de degrés est vraiment important? En tant que tel, pas tant que ça. Donc, pas nécessairement obligé d'aller prendre celui qui a moins 40. Celui de moins 20 va faire aussi. C'est juste que c'est important de savoir que quand ils disent moins 20, c'est pas qu'à moins 20, tu vas avoir chaud. C'est qu'à moins 20, tu tomberas pas en hypothermie dans ton sleeping bag. Ah, c'est pas la même chose. C'est la nuance qu'on sait pas tout le temps. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment important. Là. Comme je vous ai dit, le truc de la bouteille d'eau qui est l'eau bouillante dedans, les choses comme ça, ça va permettre de vous tenir au chaud. Mais on sait qu'entre être bien au chaud et ne pas être en hypothermie, il y a une marge. Ouais. Donc, il n'y a pas toujours le confort là, qui vient avec. À ce moment-là, quand on parle, là, on se dit ben, « je pourrais aller à un moins 40, je risque d'avoir plus chaud ». Pas nécessairement non plus. C'est vraiment là, les accessoires qui vont faire que là, vous allez avoir la chaleur. Parce que sinon, c'est la constance de ne pas tomber en hypothermie. Alors ça, c'était mon petit sujet pour aujourd'hui. Ensuite, là, moi, je peux vous parler un peu plus. J'ai fait un road trip la semaine passée. Ah! Ouais. Où donc, ça? Je suis allée là, en Gaspésie. C'est sûr qu'on ne l'a pas fait au complet, manque de temps. Mais je me suis rendue là, à Matane. On a fait un peu le Bas-Saint-Laurent aussi. Là, on a longé le fleuve. Donc, Rimouski, Matane. J'ai fait le parc national du Bic. Donc, à Rimouski, s'il y en a qui connaissent ça, là, c'est vraiment très beau. Puis, c'est pas tant cher. C'est 8,50 par adulte. Je vous dirais, là, il y a d'innombrables sentiers. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que le parc est directement là, sur le bord du fleuve. Donc, mm-hmm. vos sentiers, vous longez le bord du fleuve tout le temps. Il y a des anses où est-ce que vous pouvez aller. Puis, fait intéressant là, pour l'été, il y a deux points d'embarquement où est-ce que vous pouvez là, aller faire du kayak. Ah, c'est cool, ça! Donc, ça, c'est super. Là. Puis, les paysages sont à couper le souffle. Justement, là, on avait pris des photos. Donc, ça va se ramasser aussi là, au courant de la semaine sur le site Internet, ben, la page Facebook, je veux dire, là, du comité équitaire. Et j'ai fait également un autre coup de cœur. C'est le parc régional du lac Matapédia. S'il y en a qui sont allés, c'est incroyable. On dirait vraiment qu'on n'est plus au Québec. Donc, c'est dans la région un peu perdue là, d'Amqui. Je sais pas si vous savez c'est où, Amqui? Amquinzi, je pense. Ça, c'est la même affaire que les petites maisons. Eh boy. Non, hein. non, moi, je sais pas du tout. Non. OK. Mais par exemple, écoutez, je suis allée, là, puis je pourrais vous dire que je sais pas trop non plus c'est où, parce que c'est tellement perdu la route qu'on okay. peut pas trop savoir. C'est sur la 132, donc la route là, qui passe par les campagnes, qui longe le fleuve. Mais c'est, par exemple, on est à Matane, là, on redescend un peu vers les terres et non longer le fleuve, vous allez directement tomber dessus. Donc, le lac Matapédia, il est immense. Là, quand on est dans le parc, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre, puis que quasiment, là, c'est une mer, parce qu'on ne voit pas la limite de l'autre côté. Donc, ça, c'est super. Puis, dans le lac, il y a des petites îles où est-ce que vous pouvez aller. Encore une fois, ce lac-là, là, il est vraiment accessible en kayak. Vous pouvez y aller n'importe quand. Il y a une plage et tout. Et l'avantage, comparativement au parc national du Bic, c'est que l'accès est gratuit. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, on a jusqu'à 18 km là, de sentier. Et il y a plusieurs niveaux. Donc, ils vous disent, là, pour les marcheurs débutants, vous pouvez prendre tel sentier et tout. Ils vous indiquent très, très bien. Jusqu'à aller, là, aux personnes qui veulent beaucoup de défis par rapport au cardiovasculaire là, et à l'entraînement. Ça aussi, ça se fait. Donc, pour tous les niveaux là, de personnes et de marcheurs. Ensuite, bien, c'est sûr que moi, je suis allée dans une auberge de jeunesse à Matane. Ah, oh, c'est le fun, les auberges de jeunesse. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, c'était ma première expérience. J'étais jamais allée dans une auberge de jeunesse. Donc, camping et tout, là, ça dérangeait pas. Mais auberge de jeunesse, j'avais jamais fait ça. Honnêtement, j'ai vraiment été contente. Oui. Celle à Matane, là, c'est la seule. Elle est un petit peu en banlieue. Donc, je vous dirais peut-être un 10 minutes là, d'auto du centre-ville de Matane. Mais elle est incroyable parce qu'elle est directement sur le bord du fleuve et elle est gigantesque. J'ai jamais vu ça, une auberge de jeunesse grande comme ça, là. Puis les propriétaires, en plus, quand on est arrivés, eux, ils partaient une heure plus tard pour 2 mois au Nicaragua. Mm-hmm. Donc, ils disaient « OK, ben vous avez la maison. » Il y avait une personne quand même là, qui était en charge. Mais c'était super, là. C'est vraiment du monde toujours sympathique dans les auberges de jeunesse que je m'étais fait dire. Puis c'est vrai que j'ai pas été déçue. Puis ça avait coûté, là, les dortoirs, c'est 25 $ la nuit. Mmh. C'est pas si pire. C'est ça, là. C'est pas un hôtel, c'est une maison. C'est ça, mais c'est abordable. Puis de plus, c'est que moi, la problématique que j'ai rencontrée, la plupart des choses sont fermées à ce temps-ci de l'année, dans le bas du fleuve et en Gaspésie, parce que l'été, c'est là que ça marche. Ensuite, c'est peut-être ouvert jusqu'à la mi-octobre en général, mais c'était vraiment, là, tout était fermé par rapport au motel et les choses comme ça. Donc, l'auberge de jeunesse, ça reste que c'est souvent ouvert là, à l'année pour accueillir les touristes. C'est une très bonne option. Tout à fait. À part de ça, ben mon road trip, c'est très bien fait. Si vous avez la chance là, d'aller dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, c'est vraiment très, très beau. Ça, c'est dans Chaudière-Appalaches. Je vous dirais que c'est peut-être 2 heures au nord d'ici, sur la rive sud. OK. Donc, c'est une ville qui est super culturelle. Là. Moi, j'avais un chalet qui est juste à côté, donc dans une petite municipalité. T'as loué ça? Non, dans le fond, mes parents y ont fait depuis que je suis jeune. Oui. Donc, c'est pour ça là, que j'avais commencé le road trip à cette place-là. Mais ville super culturelle, puis il y a une boutique pour les gens là, qui connaissent Saint-Jean-Port-Joli. Ça s'appelle Les Enfants au soleil. Donc ça, là, c'est 4 étages de folie et de trucs qui viennent de partout dans le monde. Là. C'est vraiment incroyable. Il y a des personnes, ils voyagent à Bali, ils s'en vont partout, puis ils ramènent les objets. Donc vraiment, chaque objet qu'il y a dans la boutique, puis il y en a des centaines. Il y a vraiment là, des sculptures, il y a plein de choses. Il y a des vêtements, des tissus, des pierres, des bijoux. Chaque bijou, chaque objet a vraiment une histoire. Donc ça, c'est super intéressant. Cool. Si vous pouvez y aller. Les enfants au soleil. Oui. Oui. Je vous le recommande. On suit tes aventures sur la page Facebook UQTR. Tu as dit que tu allais poster tes petites photos de ton road trip. Oui, ça va se faire là, par un photographe officiel. Et des photos de toi pendant la chronique aussi, je pense, au début. Oui, de la chronique, je pense aussi. J'ai eu la chance de me faire photographier. Antoine Noël, photographe du Club plein air aussi. Exactement. Et on te retrouve dans 2 semaines? Ben oui. Toujours les lundis matin à 9h pour notre collègue du Club plein air UQTR. Page Facebook, c'est UQT'AIR. Exactement. Donc, c'est ça. Puis, de toute façon, vous allez voir pour tout ce qui est des photos et des liens là, de ce que je viens de parler par rapport au camping hivernal, ça va également être mis au courant de la journée. C'est génial. Merci beaucoup, Catherine Langlois. Ben, c'est un plaisir. Bonne semaine. Toi aussi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien, une jeune fille a trouvé une grenouille morte dans son sandwich McDo. Ben oui, une jeune fille de 10 ans a été traumatisée après avoir mordu dans une grenouille morte trouvée dans un sandwich d'un McDo. De où? Là, on va aller voir. Hein. Elle s'appelle Cordelia Buckley et son père Dave, 42 ans, sont allés manger dans un McDo de Flintshire à Wales. Ça doit être à Wales, ça doit être en Angleterre. Croyant qu'elle avait mordu dans un morceau de poulet tendineux, elle s'est aperçue qu'elle avait croqué dans une grenouille morte de 10 cm. Dégueulasse. Monsieur Buckley affirme avoir ensuite contacté McDonald's, mais il prétend que le service à la clientèle ne s'est pas excusé et lui a offert un remboursement au lieu, lui demandant aussi d'envoyer la grenouille. Attends, et ne s'est pas excusé, elle lui a offert un remboursement au lieu, elle lui demandant « OK, je suis certain que quelqu'un a mis la grenouille dans le sandwich, je soupçonne que c'est une mauvaise blague d'Halloween », affirme M. Buckley. Il dit « Ma fille ne veut plus jamais aller manger au McDonald's, je n'y retournerai jamais ». Un porte-parole du McDo a affirmé « Le client n'a rien mentionné de ceci à nos employés samedi. L'hygiène alimentaire est la plus grande importance pour nous et nous prenons ce cas très au sérieux. Nos sandwichs sont fraîchement préparés, il est extrêmement improbable que ceci provienne de notre restaurant. Il n'y a aucune preuve qui indique le contraire à ce stade. Nous avons demandé au client de nous retourner l'article pour enquêter davantage ». Eh ben oui. Là, je veux juste regarder ici les commentaires des internautes. On dit, oui, ça arrive souvent des histoires comme ça et ça finit tout le temps, que c'est quelqu'un qui essaye de faire une passe de cash ou de ruiner l'image du McDo. Ça peut arriver. Il est interdit de mettre des caméras dans les cuisines. Ça résoudrait beaucoup le problème, surtout quand c'est des jeunes qui y travaillent. Un autre internaute ajoute ça. Et beaucoup plus sage, je trouve, comme commentaire. Une dame enflamme son parachute en plein vol. Non, vous avez compris. Personne ne sait ce qui lui a passé par la tête, mais la championne de parachutisme Brian Thompson a enflammé son parachute en pleine chute libre le 1er novembre 2015 lors d'un saut effectué en Arizona. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo via la page Facebook du Dîner de con, la sportive qui a effectué près de 4000 sauts dans sa vie met délibérément le feu à son parachute. Elle prend de la vitesse et sauvagement juste avant d'ouvrir son parachute de secours. Brian Thompson ne montre aucune inquiétude et semble maîtriser sa chute malgré la dangerosité de son acte. La sportive n'a pas expliqué pourquoi elle avait agi de la sorte. Est-ce qu'elle nous le dira un jour? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle était juste fière de son saut. Puis elle voulait faire parler d'elle. En tout cas, ça marche parce qu'aujourd'hui, dans le dîner de cons, si elle n'avait pas fait brûler son parachute, on n'en parlerait pas de Brianna Thompson. Hein? Ici, il y a une jeune femme inspirante qui expose sa fausse vie de rêve sur Instagram. L'histoire d'un jeune Australien de 18 ans suivi par plus de 760 000 personnes sur Instagram est devenue virale lorsqu'elle a quitté le réseau social après avoir dénoncé la fausseté de la vie des gens sur le web. Corps parfait, luxueux vêtements, activités géniales, repas santé et magnifiques paysages. Le compte Instagram d'Asena O'Neill était envié par tous. Toutefois, contrairement à la croyance populaire, la vie de rêve de la jolie blonde était montée de toutes pièces afin d'inciter les gens à la suivre sur le réseau social et à ainsi attirer les compagnies à la recherche de vedettes web pour faire la promotion de leurs produits. Sur Instagram, la jeune femme a effacé les 2000 photos qu'elle jugeait corrompue. Or, Asena O'Neill a laissé 96 publications sur son compte afin de rétablir la vérité en légende de ses clichés. C'est ça. Là, elle nous montre ses photos et puis elle ajoute une petite notice. Et comme là, sur cette photo-là, elle dit « J'avais de l'acné sur cette image, beaucoup de maquillage. Je souriais parce que je croyais que j'étais jolie. Le bonheur basé sur l'esthétique va étouffer votre potentiel de vie sur Terre. » Une autre notice, elle nous dit « Ce n'est pas la vraie vie. Je n'ai pas payé pour la robe. J'ai pris un nombre ahurissant de photos en tentant d'être sexy pour Instagram. Je me sentais incroyablement seule. » Encore, notice « Ce n'est pas la vraie vie. J'ai pris plus de 100 photos similaires afin que mon ventre paraisse bien. Je n'ai presque pas mangé cette journée-là. J'ai hurlé à ma petite sœur de continuer à prendre des clichés jusqu'à ce que je sois satisfaite. Oui, oui, un super objectif. » Autre notice, il n'y a rien de zen à tenter de paraître zen, de prendre une photo de vous qui tente de paraître zen et prouver que vous êtes zen sur Instagram à tous les autres. C'est clair que c'est tout le contraire d'être zen. Autre notice ici, ce n'est pas la vraie vie, elle commence souvent comme ça. Payer pour faire la promotion des jeans et du haut. En résumé, Asena O'Neill Asena O'Neill a décidé de dénoncer le modus operandi des réseaux sociaux en raison des contraintes qu'il impose et des conséquences terribles qu'il engendre auprès des abonnés. Oui, mais en même temps, les réseaux sociaux, là, mettons exemple, et je les excuse pas, mais Mark Zuckerberg de Facebook, il oblige personne à se connecter sur Facebook, là, hein? Faut tu sais, quand même. Inconsciemment, j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adolescente à être accro aux réseaux sociaux, à l'approbation des autres, au statut et à mon apparence physique. Les réseaux sociaux, surtout la façon dont je les utilisais, ne sont pas réels. Ce sont des images artificielles et des séquences modifiées qui sont en compétition entre eux. C'est un système construit sur l'approbation de la société, les « j'aime », les confirmations dans le nombre de vues, le succès en fonction du nombre d'abonnés, c'est parfaitement organisé et ça absorbe tout jugement personnel, ajoute la jeune femme dans un message partagé sur son compte personnel. Finalement, l'Australienne espère que son histoire fera progresser les choses. Sur son blog « Let's be Game Changer », elle présente des aspects de sa vie réelle. Dans sa première vidéo, elle avoue qu'elle ne s'est jamais sentie aussi misérable que lorsqu'elle avait la fortune, le pouvoir et la renommée. Elle demande donc à tous ceux qui la regardent, à tous ceux qui regardent son clip, de tenter de se déconnecter pendant une semaine des réseaux sociaux. Seriez-vous capable? Bonne question. Ici, je vous invite à observer en live le plus grand rassemblement d'ours polaires du monde. Les ours polaires se groupent en masse dans la toundra arctique depuis quelques jours, une réunion annuelle à voir en direct. Donc, chaque année, au début du mois de novembre, la ville de Churchill, dans le Manitoba, accueille le plus grand rassemblement d'ours polaires au monde. Des passionnés du monde entier rejoignent alors la province canadienne pour les observer sur les rives de la baie du Dusson, où ils attendent la formation de la banquise pour rejoindre le nord et ainsi chasser les phoques. Si poser un pied dans la toundra n'est pas chose aisée pour tous, il est possible d'admirer le spectacle depuis chez vous. Plusieurs caméras ont été installées sur place, filmant en direct les ours en famille, déambulant au cœur de la nature ou en plein combat. Le chef des opérations, B.G. Christopher, membre de la Polar Bear International, organisme de conservation de l'espèce, est posté sur place dans un camion pouvant contenir 40 personnes. Il diffuse ainsi des images des ours qui défilent devant ses fenêtres. En plus de répondre à la curiosité des internautes confortablement installés derrière leur ordinateur, il apporte aux biologistes et climatologues des informations importantes, notamment concernant les défis auxquels les ours font face avec le réchauffement climatique. On dit le réchauffement de l'Arctique, mais c'est le réchauffement de partout. C'est ça pareil. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Très facile, explore.org. Et il y a des live cams là-bas. Donc, explore.org. L'instant mignon, le bout cute de la journée. Et c'est vraiment cute. C'est un cerf, un petit Bambi qui s'invite pendant la première séance photo d'un bébé. Attiré par la décoration comestible, un jeune cerf s'est retrouvé au milieu de la première séance photo d'un bébé, menée par Megan Ryan. Dans un décor automnal, le jeune Connor, âgé d'un mois, a posé malgré lui aux côtés de l'animal dans le parc de Sam House Jones en Louisiane. Secouru puis nourri au biberon depuis sa naissance, le jeune invité n'a eu aucun problème avec l'appareil photo. Une main posée près de l'enfant a tout de même permis d'assurer la sécurité en cas d'éventuelle réaction spontanée de l'animal. Celui-ci est pourtant un habitué des séances photo. Oui, c'est la cinquième du photographe à laquelle il montre le bout de son museau. Ça fait vraiment un résultat improbable et extraordinaire. C'est fantastique. Pour vrai, tu as le bébé sur une botte de foin, avec couché sur une belle couverture en laine, des belles courges, là, des citrouilles, plein de fruits d'automne comme ça. Et puis t'as derrière, un peu en flou, qui s'avance furtivement, le petit Bambi. C'est vraiment mignon, c'est vraiment cute, hein? Allez voir ça, c'est très improbable à réaliser chez soi. Ici, les pires ratés de Google Traduction, c'est à voir en photo. C'est un diaporama extraordinaire. Donc, on commence comme ça. Mini-bike. Un mini-bike a été traduit par « fait de chinoise » ou « made in China ». Ah, c'est ça, c'est le « made in China » qui a été traduit en « fait de chinoise ». Hein? Sinon, des saucisses polonaises, eh bien, c'est « polissez la saucisse ». Il est écrit « Polish sausage ». Polissez-vous la saucisse. Petite maison, OK? « Goat cheese baker », donc du fromage de chèvre. Eh bien, lui, vu qu'il y a le « baker », c'est un cuiseur à chèvre. C'est le fromage cuiseur à chèvre. Chias burger, chias d'Inde et chias falafel. On se demande comment il a traduit et qu'est-ce qu'on a voulu traduire avec ça, mais on a vraiment sur un menu, c'est un chias burger, chias d'Inde puis un chias falafel. Ah, je pense que c'est cheeseburger, cheese d'Inde. OK, oui. On a traduit cheese, fromage, par chias. C-H-I-A-S-S-E. Vous avez bien compris et vous l'aurez entendu au dîner de cons. Là, on a une, je ne sais pas c'est quoi, parce que c'est écrit, je veux dire, en mandarin ou en chinois ou en coréen, là, je ne sais pas, une écriture asiatique, mais il y a une traduction, il est écrit « Keep off the grass ». Donc, faites attention, là, pas aller par là. Et on nous dit plutôt « Les herbes vous sourient ». OK, ben, tu sais, parce que keep off the grass, c'est quoi? Faites attention à la pelouse, c'est ce que je pourrais comprendre. Mais là, c'est les herbes vous sourient, détournez-vous, s'il vous plaît. C'est comme dans le fond, c'est une pancarte pour pas marcher sur la pelouse. Les herbes vous sourient, détournez-vous, s'il vous plaît. OK, de la belle traduction. Calmar aux légumes d'hiver sales. Mais le sale, c'est sale, vente. OK? Dans de la bouffe pour chien, c'est beef liver bite. Donc, c'est des morceaux de foie de bœuf. OK? On peut comprendre. Mais ça a été traduit par morsure de foie de bœuf. Attention que ton foie de bœuf t'attaque pas puis qu'il te morde, là. Sinon, ça, c'est quoi? Natural flavor, parfum naturel. OK, freshness. Ah, cholestérol free. Eh bien, c'est le cholestérol libère. C'est pas sans cholestérol. C'était des. On dirait que c'est des petits pois ou wasabi. Et puis on écrit cholestérol free, mais non, c'est le cholestérol vous libère. Peut-être pas tout à fait ça. Donc, plate of garnish of your choice. OK. C'est l'assiette végétarienne avec la participation de légumes. C'était plutôt qu'on voulait dire que tu pouvais choisir les légumes qui viennent dans ton assiette. OK. Sinon, observe the public order code for your enjoyment and safety. Donc, ça veut dire observer le public, observer le code de règlement public pour votre bonheur et votre sécurité, on pourrait dire. Mais là, c'est rappeler l'allait de l'ordre public. Rappeler l'allait, il est écrit ça, pour votre jouissance en sécurité. Hein? C'est pas tout à fait la même chose. Ici, petite bite, big compliment. C'était quoi ça? Ça devait être des petites. Ça devait être des petites bouchées qu'on voulait dire, hein? Mais on a vraiment traduit petite bite, big compliment. Très, très drôle. On aime les préservatifs. Ouf! Donc, ici, c'est preserve cucumber, donc des concombres en conserve, si on aime. Puis en plus, imaginez, moi, là, je suis pourri en anglais, là. Donc là, on a des concombres en conserve. On a traduit ça par des préservatifs concombres, hein, au lieu de des preserve cucumber. Ça peut un peu changer la donne. Hein? Ici, du Tao Thai Korean Juice Drink, Citron Juice Drink. Donc, c'est du jus de citron, coréen, genre. Mais là, c'est boisson au jus de coréen au citron. Du bon jus de coréen au citron, c'est pas pareil comme du jus de citron coréen, hein? Extra butter flavor, on a ça c'était du popcorn, on a traduit ça par à saveur de très beurre, hein? C'est du très très beurre ça. Ici, please keep this door closed while having a shower, thank you very much. On a traduit ça donc c'est s'il vous plaît gardez la porte fermée. Merci beaucoup. Là, c'est fermant. OK? C'est fermant, s'il vous plaît, cette porte à la douche. Plusieurs remercies. Hein? C'est ça. C'est donc, d'habitude, c'est de garder la porte de la douche fermée, puis on vous remercie beaucoup. Mais c'est pas ça. C'est fermant, s'il vous plaît, cette porte de douche. Plusieurs remercies. En tout cas, c'était ces petites ratées de Google Traduction. Peut-être que si vous êtes une compagnie, vous engagez un traducteur, ça ne serait pas un luxe, je dis ça de même. Et le chanteur Normand Lamour, on va terminer cet article avant d'aller en musique, c'est le chanteur Normand Lamour qui s'éteint à l'âge de 85 ans. Le coloré chanteur Normand Lamour est décédé à l'âge de 85 ans. C'est ce qu'a annoncé le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, mardi en fin d'après-midi. Serge Péloquin, en plus d'être le maire de Sorel-Tracy, c'est aussi l'ancien gérant de cet artiste. Le maire a adressé ses condoléances aux proches de celui qui chantait souvent au restaurant Le Madrid. Je le cite, « Ça me fait vraiment de la peine, mais hélas, c'est la vie. Mes condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont aimé et apprécié », a indiqué M. Péloquin. « Adieu, mon cher ami, repose en paix. » Il y a MC Gilles qui dit « On m'apprend le décès de Normand Lamour, je suis très attristé. Repose en paix, ami Normand. » Ben c'est bien ça, de la part de Dave Ouellette. De son vrai nom, Normand Cournoyer, le natif de Saint-Joseph-de-Sorel était parfois considéré comme un amuseur public. On lui doit des chansons comme « La poignée de porte » et sa parodie de « Poker Face » de Lady Gaga. Son album « C'est pas possible » a d'ailleurs été sélectionné en 1999 pour le prix de Félix de l'amour de l'année. Félix... album humour de l'année, mais c'est finalement Yvon Deschamps au manoir de Rouville-Campbell qui avait gagné le prix. Quand même été nominé, Normand. Et puis là, il nous offre plusieurs de ces petites perles. Est-ce qu'on s'écoute la fameuse? Moi, je l'aime, celle-là. On y va avec le classique. On s'écoute un petit bout du classique, La poignée de porte. S'en aller, Il était venu me faire une petite visite. Il était venu me faire une petite visite. Il tenait la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte. Puis alors chapeau. La poignée, la poignée, la poignée. Il advirait sous tous les bords. La poignée, la poignée. Puis parlait. Puis parlait. Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Et puis, il parlait, et puis il parlait, et puis il parlait, et puis ya tenait, et puis ya tenait. La poignée de porte, la poignée de porte, la poignée de porte. Et puis il voulait s'en aller. Et puis il parlait, et puis il parlait, et puis il parlait. Il n'y avait pas encore entendu klaxonner le taxi à la porte. Il t'a souri un petit peu, il t'a souri un petit peu. Et puis le taxi, il klaxonnait devant la porte. Puis lui y attenait, la poignée de porte. Y advirait sous tous les bords. La poignée de porte, puis lui parlait. Et puis le taxi, il klaxonnait, puis lui parlait. La poignée de porte est à décourager. La poignée de porte avait chaud, elle se faisait brosser sur tous les bords. La poignée de porte avait hâte qui part. Elle aimait bien gros, la poignée de porte. Elle aimait bien gros, la poignée de porte. Mais à ma peau, la poignée de porte. Quand il serra trop fort, la poignée de porte. Et puis il a fini par s'en aller. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Avec la semaine de relâche, on a pris un petit délai, les semaines ont changé de bord. Donc on a Marie-Laurence Audet avec nous aujourd'hui. Yay! C'est le loisir bien plus qu'un jeu. Chronique à délai pour une fille intelligente à délai. Mais t'es intelligent, mais faut attendre un petit peu. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est quasiment un chien, ça. C'est juste un lien que je voulais faire, mais. Pourri ce lien-là, Mathieu. Bref, bonjour Marie-Laurence Audet. Bon matin. Ça va? Je me sentais attendue. Et attaquée. Oui. C'est ça. Donc, c'est les loisirs bien plus qu'un jeu où on parle de plein de choses qui n'ont pas rapport avec le travail, mais qui peuvent être du bénévolat, des loisirs, mm-hmm. divertissement, des affaires comme ça, festivals, ça peut être un peu n'importe quoi. Est-ce que j'ai bien. Il est sur ton cas, hein? Il est vraiment sur mon cas. Mais c'est positif. Marie-Laurence a quitté la conversation. C'est ça, voilà. Non, mais c'est que tu fais de tout et de rien. Et de rien. Et merci, et de rien. Et bienvenue. Oui, donc ce matin, Mathieu. Oui, Mathieu, arrête de parler. Bon, persécution. Hey, Manolo. Hey, Adam va revenir. Je sais. Bref. Marie-Laurence, on a un sujet aujourd'hui. Oui. Ce matin, je vais aborder l'aspect du loisir public qui est en fait un investissement en développement économique. Ah. Je m'explique. Je comprends rien. J'explique. Écoute bien, là. Allume ta radio. Dans un contexte d'austérité comme en ce moment où est-ce que tous les secteurs publics s'en voient affectés, il y en a beaucoup qui se disent que c'est même pas une question, le loisir va être le premier coupé parce que plusieurs le considèrent comme un luxe. Oui. Puis en fait, je voulais vous faire un petit exercice de prise de conscience. Donc, concentrez-vous un instant. OK. Imaginez que demain matin, pas en 2050, là, demain matin, il n'y a plus aucun parc public, aucun terrain de soccer, de pistes cyclables, de sentiers de marche, de gymnase pour nous garder en forme et en santé. Imaginez que les 300 000 enfants qui fréquentent les camps de jour et camps de vacances se voient privés de ce programme de loisirs et de garderies. Imaginez qu'il n'y ait plus de ligue de hockey, de clubs d'aînés, de loisirs scientifiques, de scouts. Imaginez que les décrocheurs aient plus de centres, décrocheurs adolescents et autres, aient plus du tout de centres communautaires puis de maisons des jeunes pour s'accrocher à des projets qu'eux mettent en place. En fait, c'est un peu troublant quand tu vois à quel point le loisir est dans toutes les sphères, mais on s'en rend juste pas compte puis c'est rendu une prise pour acquis autour de nous. Mais là, tu nous enlèveras pas TVA. Ah. Vol 920 puis la voix, ça reste. Ça reste. Fait qu'on est correct. Dit la population de Moron. Donc, dans un des bulletins de l'Observatoire québécois du loisir qui vient d'être rédigé par André Thibault, qui est une sommité en loisir, il abordait l'aspect que si on coupait en loisir, à quel point ça affectait une municipalité. Puis là, on parle autant des petits villages que des grandes villes. Puis, avec le pacte fiscal temporaire qui a été convenu à l'automne 2014 entre tout le gouvernement du Québec, entre le gouvernement du Québec et toutes les municipalités, le résultat tombé était que 300 millions de dollars étaient coupés dans la somme versée aux municipalités par année. Donc, les conseillers municipaux, autrefois, il n'y a pas si longtemps, classaient vraiment le loisir dans une case de budget vie sociale, vie communautaire, grand luxe. Quand on aura le budget, on se le permettra, puis sinon, regardez, c'est pas là-dedans qu'on va couper. Alors qu'en comparaison, le secteur de la sécurité, de la salubrité puis de la circulation n'était pas du tout remis en question. Pourtant, dans les dernières années, comme j'en parle aussi souvent dans les chroniques, le loisir a fait sa place. Le loisir a de plus en plus démontré que les sommes allouées avaient un impact sur le développement social, culturel, économique des communautés locales. En fait, même en 2008, il y a eu le Congrès mondial du loisir. Ça, c'est un peu comme les Olympiques, ça se promène partout autour du monde. Mm-hmm. Puis en 2008, ça a eu lieu à Québec. Puis de là, il y avait 4000 participants cette année-là qui provenaient de 70 pays et de 5 continents. Donc, on a vraiment une représentation de ce qui se passe around the world. Puis, ils ont signé à ce moment-là la Déclaration de Québec qui stipulait que tout le loisir contribuait à la qualité de vie puis à la santé des personnes puis de leur communauté, autant qu'à leur développement social, économique et culturel. Ça a l'air bien simple comme phrase, mais pour que ce soit accepté puis reconnu partout, ça doit pas être si dans le champ que ça. Mm-hmm. Donc, couper en loisir, c'est pas juste une question de réduire le temps de glace à l'aréna ou de couper... le cours de soccer du samedi matin, c'est vraiment plus que ça. On parle même de l'impact de la richesse sur une municipalité, parce que quand ils font l'évaluation foncière des différentes municipalités, un des indices qui donne la valeur à cette municipalité-là, c'est la qualité de vie, c'est l'implication des gens dans leur milieu. Puis on a vu que le loisir était un des principaux acteurs pour mettre en place ces éléments-là. En fait, il y a même aussi le côté... plus, si on parle profit et tout, là, la localisation des entreprises, qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'aller te placer là, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tu vas aller faire du profit, que tu vas rouler, tout est relié au fait que les gens ont une dynamique de quartier, ont un investissement, qu'ils n'iront pas dans le village d'à côté, qu'ils vont rester chez eux. Puis, en plus de tout ça, on a vu aussi que toute la preuve de prévention des maladies physiques et sociales que le loisir pouvait avoir dans une municipalité. Tu sais, quand on parle de maladies physiques, on va parler autant de l'obésité. Si les personnes n'ont rien pour s'occuper, qu'ils restent chez eux, c'est plus facile de rester devant la télé puis de rien faire, de ne pas aller s'entraîner, de ne pas aller marcher, de peu importe l'activité. Mais on parle aussi de maladies sociales, tout le côté délinquance, tout le côté dépression qui peut être prévenu par ces activités-là. Si demain matin, on vous enlève tous les éléments que je vous mentionnais tout à l'heure, puis que les gens, tout ce qui leur reste, c'est travail, dodo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit plus faire dodo, soit plus rien faire, ou soit plus travailler. Oui. Fait qu'à ce moment-là, l'équilibre sera plus là, puis ils pourront pas livrer du 95 000 heures semaine pendant 6 mois. T'sais, tu fais ça une journée, tu fais ça une semaine, mais tu vas te brûler, tu peux pas faire ça toute ta vie. Donc, la qualité de vie a vraiment été prouvée. Et quand on parle de qualité de vie, de la capacité aussi à créer des environnements favorables, des environnements agréables pour les gens. Et entre autres, on va parler de l'industrie touristique. Quand on regarde une ville ou une municipalité, tous les événements qui ont lieu dans les centres-villes pour attirer les gens, tout quand on fait, mettons, des sentiers de piste cyclable ou de motoneige qui relient différentes municipalités, autant pour les faire découvrir que pour faire des projets qui collaborent. Donc, j'ai un quiz pour vous ce matin. Oh, quiz. L'industrie du tourisme, du divertissement, de la culture, du sport, ça représente combien de pourcentage du PIB québécois selon vous? Ça doit pas être bien ben élevé. Bien, le tourisme, ça dépend de t'es où, j'imagine, au Québec, là, oui. Mais... Est-ce qu'on y va conservateur, mettons? Voulez-vous que je vous répète tous les secteurs? Oui. Ouais, vas-y. Donc, on parle d'un mélange de l'industrie du tourisme, du divertissement, de la culture, du sport. OK, ben là... Le PIB québécois. Qu'est-ce que ça... Dans tout ce qui est rapporté comme argent au Québécois annuellement, okay. Nous, on représente combien de pourcentage de tous ces secteurs-là mis ensemble? Moi, je dirais... C'est beaucoup de secteurs, là. Je dirais beaucoup, ouais. Je dirais quasiment 25%. 25? Moi, je vais y aller juste un petit peu... Moi, je vais y aller à 30. Ouais. OK, tu y vas plus, toi. Ouais, je pense. Okay. C'est un petit peu moins, mais vous n'êtes pas si loin. C'est 18%. Ah, quand même. Mais 18%... Vite comme ça, ça peut avoir l'air petit. Tu te bats. 18%. Si t'as ça à ton examen, t'es pas heureux. Ouais, non, c'est ça. Mais 18%, quand tu considères que cet élément-là est considéré comme un surplus superficiel, comme un luxe qui pourrait être coupé demain matin, on parle pas de 0,002%. On parle quand même d'une masse critique dans un pourcentage qui rapporte pour le PIB. C'est presque un cinquième. Exactement. Ouais. Puis regardez, là, je partirai pas de la question du référendum, mais on est dans le Canada. Si demain matin, on devenait indépendant, peut-être que ça augmenterait aussi. Mm. Tu sais, là, c'est parce qu'on partage aussi notre industrie touristique avec le Canada. Ouais. On partage différentes collaborations. Tu sais, les Jeux du Québec sont ici. Les Jeux du Canada, tu sais, on les perd indirectement, vous comprenez? Donc, il y a un autre élément que je trouvais très intéressant. Le loisir, parce qu'on est porté à dire, ouais, mais pourquoi on investit? OK, on peut investir, ça a des bienfaits, mais tu sais, comme tous les secteurs, ça coûte cher. Ben oui, tout a un prix, tout a une valeur. Mais le loisir, il coûte pas si cher que ça à une municipalité. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie du loisir est mise en place et tenue par des bénévoles. Ben, c'est ça que je voulais dire, oui. Est tenue en place par des bénévoles, est offert dans des organismes sans but lucratif qui, eux, sont financés de façon autonome, font des activités pour ramasser de l'argent. Tu sais, ils prennent pas dans les poches du contribuable, ils demandent pas une tarification très élevée. Puis sinon, il y a différentes activités qui sont offertes aux citoyens via un tarif qui sont souvent accessibles aussi. Il y a des sports et autres qui coûtent plus cher. Tu vas regarder le ski, il y a un coût plus élevé ou le hockey que d'autres choses. Mais reste que le bénévolat, les organismes sans but lucratif, c'est la grosse majorité. Puis concernant le bénévolat, justement, j'ai trouvé une donnée très intéressante. Le temps de bénévolat en loisirs et sport au Québec, présentement, a une valeur de 1,9 milliard de dollars. Donc, le temps investi qui n'est pas rémunéré, si on mettait ça au salaire minimum, toutes les heures données, présentement, ça a une valeur de 1,9 milliard. C'est exactement le même montant que les villes prévoyaient à leur budget dépensé en loisirs et culture en 2014, toutes les villes mises ensemble. Fait que c'est de dire qu'en ce moment, grâce à la main-d'œuvre qui s'investit et qui croit aux différents projets, on a comme un remboursement automatique. Des ristournes. On a une ristourne. C'est comme si ça devenait revenu, tu sais, moins dépenses. Revenu moins dépenses égale zéro. Mm-hmm. Présentement, on en est là. C'est pas rien. Puis l'implication, on revient aussi à un indice de la qualité de vie pour que les gens aient le goût de s'impliquer. C'est parce qu'on a une appartenance à leur communauté. Donc, tout ça confirme la place du loisir. Puis pour les plus sceptiques niveau économique, avec le revenu de tarification qui est demandé parfois aux citoyens dans les activités, puis la valeur de l'implication bénévole, chaque dollar investi dans le loisir municipal rapporte l'équivalent de 3 dollars. Oh. Donc, on voit que vraiment, économiquement, c'est non seulement bon pour la qualité de vie, mais il y a une possibilité de compter là-dessus pour une ristourne. Puis, en conclusion, je voulais vraiment parler que la qualité de vie en 2015 est vraiment devenue une des plus grandes attentes du citoyen. Il s'en rend plus ou moins compte, mais il est le premier à consommer tous ces services-là. Puis, quand il les a pas, il est premier à se plaindre parce qu'on a connu puis vu les bienfaits à différentes places. Fait que si tu déménages puis tu vois que là, c'est plus offert, tu dis, ben voyons comment ça, c'était une base. Ouais. Je prenais ça pour acquis, moi qui ai une piscine municipale à proximité, pourquoi j'en ai pas une? Alors que pour d'autres, c'était considéré donc bien comme un luxe et pas une nécessité, tu sais. Donc, c'est ça, la qualité de vie, c'est devenu une des plus grandes attentes. mais on a vu que ça répondait beaucoup à un besoin. Donc, avec tout cet équilibre-là, ça a sa place. Et si je reviens tantôt à mon exemple de tout à l'heure par rapport à si les gens n'ont plus de loisirs, mais qu'ils ont juste travail dodo dans leur horaire, on pourrait revenir à faire l'erreur de l'ère industrielle où est-ce que tout était centré sur le travail, puis que là, les gens ont fait des dépressions. Là, les gens se définissaient que par ça, quand ils terminaient, il n'y avait plus rien. Tu sais, c'était pas un mode de vie sain. Ça, c'est le passé. On a réussi à évoluer. Ça serait bien qu'on ne retourne pas en arrière avec toutes les avancées qu'on a fait avec les années. Donc, le loisir, comme je dis toujours, c'est une jeune science. C'est en train de faire sa place. Maintenant, il faut y laisser une chance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, je ne sais pas si tu es capable personnellement de répondre à la question, mais on fait quoi dans ce temps-là? Tu sais, on peut pas. S'ils décident de couper, ils vont couper pareil, là. C'est sûr qu'ils coupent pareil. Puis regardez, on n'est pas les seuls secteurs. Il y a la santé. Mm-hmm. Il y a, tout le monde en est affecté. Le médecin qui dit, ben là, c'est parce que moi, je peux plus offrir de traitement aussi via le budget que vous me donnez. Ouais, à un moment donné, t'en as besoin. Mais c'est en ce moment, tu vois les professionnels du loisir revoir leur façon de faire. Okay. Tu revois des subventions qui sont redistribuées autrement. On essaie. Déjà, le domaine du loisir avait pas, le plus gros budget. Puis il faisait, un peu comme le communautaire, faisait beaucoup avec très peu de ressources. Il avait fait ses preuves là-dedans. Puis quand on voit les gens qui s'impliquent bénévolement comme ça, si on est capable de conscientiser la population puis qu'un peu plus de gens s'impliquent ou que les gens qui s'impliquent donnent un peu plus, mais on va ça, revenir au même montant. Que même s'ils coupent, je dis n'importe quoi, de 100 000 $ encore, si chacun donnait une heure de plus par semaine, bien finalement, on peut avoir la même qualité de service offert. Mais ça serait, selon moi, c'est drastique, mais de mettre... Tu sais, mettons, tu mets pendant une journée ou pendant une semaine, là, tu fermes tout. Mm-hmm. Juste pour conscientiser la population à quel point vous en avez besoin. Il y a une journée pour ça par rapport aux organismes communautaires dans les prochains jours. Oui, le 2-3 novembre, en fait, c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui, puis hier, ils disent on met la clé dans la porte. Oui, exact. Puis ils ferment tous les services communautaires. Ils sont en rue pour revendiquer justement les ressources du communautaire, la place du communautaire, puis leur situation présentement avec l'austérité. Il y a plusieurs éléments dans cette grève-là. Mais c'est un peu ce principe-là. Si t'es capable de faire montrer au monde à quel point, sans ça, il va leur manquer quelque chose, ils vont peut-être après... Donner plus, ouais. Investir plus, participer plus. Tu sais, des fois, quand tu dois fermer un cours parce qu'il y a un manque de participation, mais que finalement, c'est parce qu'il n'y avait juste pas eu l'information qui s'est rendue, tu sais. Mm-hmm. Tout est à bâtir, c'est une jeune science, puis on a juste été en expansion depuis les dernières années. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut y laisser sa chance, comme n'importe quel projet on investit pour essayer de développer. Après, tu vois les forces et les faiblesses. Puis d'année en année, les tendances ne sont pas les mêmes. Il y a des années que c'est la culture, des années que c'est le sport. Tu sais, ça va aussi avec l'actualité. Mm-hmm. Ça va aussi avec les... Quand on a une grosse campagne de sensibilisation, soyez actifs, bougez, de Québec en forme. Mais ça aide aussi aux organismes qui offrent des activités sportives parce que là, tout le monde, tout d'un coup, veut faire du sport, tu sais. Quand à un moment donné, on se met à parler de la culture puis de protéger notre patrimoine, là, tout d'un coup, les gens ont... une conscientisation. Fait qu'on est beaucoup, beaucoup dans les tendances aussi. Les gens espèrent toujours avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour donner le moins possible. Oui. Mais tu sais, c'est une compensation aussi. Là. À un moment donné, oui. Que tu parlais d'hockey, tu parlais de sport. Si tu veux pratiquer ton sport, il y a un prix à ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui va te coacher, il y a quelqu'un qui va, exactement, qui va t'arbitrer ou quoi que ce soit. Au-delà de ça, il y a tellement de bénévoles là-dedans. Tu sais, le parent qui se plaint que son jeune ne peut pas jouer au hockey parce que dans sa municipalité, tu sais, ils n'ont pas les ressources pour engager un coach, un arbitre ou autre. Mais dans l'équipe, là, il y a peut-être un des parents qui peut, puis c'est souvent comme ça que ça finit. Il y a un des parents qui coach, il y a un des parents qui arbitre. Puis eux, en échange, ils ont, mettons, l'inscription de leur jeune gratuit. Ouais. C'est pas rien non plus, ça a un coût. Mais le parent, tant qu'à être dans les estrades, il y a des parents qui aiment ça être plus proactifs. Ils sont là, aussi bien qu'ils soient utiles, tu sais. Je pense qu'il y a du monde de même. Ben oui, ben c'est ça. Et puis l'idée de bénévolat a tellement changé. Tu sais, les gens sont plus, je dirais quasiment qu'ils sont plus game de faire n'importe quoi pour pas être payés. Oui, exact. Non, c'est vraiment ça. Mais de donner son temps, c'est tellement rendu rare que les gens font comme, ah ouais, je vais y aller, tu sais, une journée de temps. C'est quoi une journée de temps? Mm. Mais il y a eu aussi beaucoup un gros clash au niveau de l'implication bénévole parce que si tu regardes mettons, je regarde notre âge, là, nous autres, nos grands-parents à peu près, ils ont fait partie d'une époque où est-ce que la religion était très, très présente et où est-ce que tu devais gagner ton ciel par implication bénévole. C'était une obligation. C'était pas pardon de soi, c'était pour gagner ton ciel, c'était pour comment tu étais vu dans ton village parce que comment ça que tu n'es pas venu aider à quête, puis peu importe, ou à l'activité de chef de blésin. Exactement. Exactement. Donc, la religion qui prenait en charge le côté des loisirs parce que tout le... Les à côté du travail étaient gérés par la religion. Il y a eu ses pour et ses contre, oui. Sauf que quand cette génération-là, il y a eu une évolution en termes de la religion s'est tassée de la politique et tout, qu'il y a eu une nouvelle ère de liberté et tout, à ce moment-là, leur vision du bénévolat, ils l'ont tassée aussi. Ouais. Puis c'est pas la première qu'ils ont léguée à leurs enfants parce qu'ils ont dit, nous, on a réussi à arrêter de se faire obliger de faire de ça. Fait on voulait pas faire. Vous prenez du temps pour vous, prenez du temps. Et là, on a vu la génération d'après qui a appris à prendre du temps pour eux, pour sa famille, des choses que leurs parents n'avaient pas fait. On revient à des valeurs traditionnelles, du mariage, de l'implication et tout ça. Mais c'est à rebâtir aussi parce que là, c'est sous une autre forme. Tu sais, c'est vraiment du don de soi. C'est veux-tu venir aider, donner un coup de main? Tu gagneras pas. Non, mais tu sais, c'est une obligation. C'est exactement. Puis le besoin du bénévole a changé avec les années. Qu'est-ce que tu peux lui donner pour l'inciter à venir, mais aussi à rester? Ouais. Au-delà de. Il y a un spectacle, il y a le spectacle gratuit. Puis il y a un t-shirt, il y a un repas, il y a un party des bénévoles. Puis à un moment donné, c'est plein d'éléments qui font partie de la gang, puis il y a le goût de revenir. Mais en même temps, c'est ça ce qui est dommage un petit peu pour les entreprises qui, des fois, engagent des bénévoles, c'est que ça leur coûte de l'argent avoir des bénévoles, finalement. Mais oui, c'est moins cher que dans les jeunes employés. Exactement. Ça reviendra toujours moins cher à payer le dîner pizza à tes bénévoles que de les payer même au salaire minimum. Tout à fait. Mm. Puis le fait qu'ils reviennent, ta promotion que tu n'as pas à faire l'année d'après, c'est un coup, ça aussi. La façon que les gens parlent de ton événement, parce qu'eux sont bénévoles, mais ils amènent leurs amis comme participants. Tout ça, ça a tellement un coût. Puis à un moment donné, de dire que oui, il faut que tu dépenses, mais à un moment donné, ton bénévole, il y a une valeur aussi. Faut que tu reconnaisses cette valeur-là. Puis si on regarde la pointe de pizza puis le t-shirt, il t'a pas coûté très cher pour la qualité du travail qui t'a amené. Donc. Hey, c'est bien dit, ça. C'est vrai. Des paroles sages. Oh oui. Hein? Hey, oublie toutes les insultes que j'ai dit au début de la chronique. T'es brillant, brillant, Marie-Laurence Audet. Et on te retrouve dans deux semaines sur un nouveau cycle de vie. Oui. Mais à partir de dans deux semaines, détimé avec avant. Oui, c'est comme ça. Un nouveau monde. Ben oui. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère après la relâche. Voilà. Le loisir bien plus qu'un jeu aux deux semaines, tous les mardis à 20h. À 20h. What? À 20h. Vous pouviez. C'est facile de regarder l'heure à 8h20. 8h. Voyons, non, 8h20. Donc 8h dans deux semaines. Merci, Marie-Laurence. Merci. On prend une pause musicale. Oui. On va entendre une nouvelle entrée du côté anglophone, du côté francophone, pardon. Oui. Je sais pas si elle essaie d'imiter Ariana Grande. Ben, je sais pas, hein. Mais c'est une artiste de Montréal. Ça n'a rien à voir. Indie folk. C'est ça. C'est Ariane Zita avec son album Oui, mais non. Voici Soyons sauvages. Shut up. Ariane Zita à la pièce Soyons sauvages à l'assemblage requis. C'est vraiment très très bon et c'est francophone à moitié. Ouais, si on comment ça à moitié? Ben parce que I feel like I'm 6 years old when I'm with you, c'est moyennement francophone. Ouais, vraiment. Non, ça je suis d'accord avec toi. Par contre, elle est francophone, elle vient de Montréal. Exactement, on pourrait la mettre dans un entre les deux palmarès. T'sais. Oui. C'est comme une émission flottante, comme une journée pédagogique. Bref. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La réalité dépasse même tous les jours la fiction. Je dois m'en rendre compte avec cette émission et c'est un peu à ça que ça sert le dîner de con. Ici, c'est un policier qui maquille son suicide en meurtre pour cacher son passé sulfureux. Un ripoux! Donc, le meurtre d'un policier américain le 1er septembre avait entraîné une chasse à l'homme pendant près de 2 mois. L'homme avait en réalité mis en scène son suicide pour mieux dissimuler le détournement de fonds qu'il orchestrait depuis plus de 7 ans. Quelques 150 policiers ont cherché en vain des suspects imaginaires. Le meurtre d'un agent de la police à Fox Lake, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 1er septembre, a entraîné une chasse à l'homme de grande envergure. Eh bien, c'était en réalité un leurre. Charles-Joseph Glienwich avait orchestré son suicide pour faire croire à un meurtre. C'est ce qu'a révélé, finalement, la police locale mercredi. L'agent de police voulait dissimuler aux yeux de ses confrères ses activités criminelles. Nous avons déterminé que ce suicide mis en scène est le résultat final de nombreux actes criminels que Glienwich a commis. C'est ce qu'a révélé George Filenko, commandant de la police du comté de Lake, ajoutant qu'il a commis la trahison ultime envers les citoyens et les forces de l'ordre. Charles-Joseph Glienwich détournait depuis 7 ans les fonds d'un programme qui encourageait les jeunes à intégrer la police. Si les enquêteurs ont mis près de 2 mois à conclure à un suicide, c'est que leur confrère avait acquis une solide expérience dans la mise en scène de faux crimes. Le jour de sa mort, eh bien, Charles-Joseph Glienwich prévenait sur sa radio qu'il poursuivait 3 individus à pied avant que la police ne retrouve son corps sans vie dans les bois près de Fox Lake. De plus, sa mort intervient dans un contexte de tension pour la police après des actes de violence commis envers la communauté afro-américaine. Pour faire croire à un meurtre, eh bien, Charles-Joseph a tiré une première balle dans son gilet pare-balles avant de l'ôter et de tirer une seconde balle, cette fois-ci mortelle. Mais cette mise en scène n'était pas infaillible. Le corps du policier ne présentait alors aucun signe de lutte et ne semblait pas avoir été traîné dans le bois, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. La vérité est sortie. Il y a une octogénaire au bord de la mort qui déchiquette 1 million d'euros pour se venger de ses héritiers. Hein? C'est ça? Ça fait chier quand la vieille a fait ça, hein? Eh ben oui, fallait pas faire chier à la vieille. Une Autrichienne de 85 ans a méthodiquement déchiqueté pour près de 1 million d'euros de billets de banque avant de mourir afin apparemment de léser ses héritiers, a-t-on appris auprès de la justice aujourd'hui même. Les billets déchiquetés, des coupures de 100 et 500 euros pour un montant total de 950 000 euros, ont été découverts après la mort de l'octogénaire dans la maison de retraite où elle avait été transférée 5 jours plus tôt. La vieille dame avait également détruit ses livrets d'épargne et, selon des informations du quotidien Courrier, confirmées par le parquet de Weiner-Neustadt, eh bien, cette juridiction de l'Est de l'Autriche a été informée des faits mais n'a pas ouvert d'enquête, ceux-ci ne relevant pas d'une infraction pénale, a précisé le procureur Eric Abitzi. Pardon. La vengeance présumée de la vieille dame envers ses héritiers risque cependant de ne pas faire long feu. La Banque nationale autrichienne a assuré dans le journal Courrier qu'elle était prête à remplacer les billets détruits. Particulier, hein? Vraiment. Vol de canards. Une vague de vol de canards sur la foire de Liège. On dirait des fauves, surtout quand il y a des filles. Toute une déclaration ici. Donc, la foire de Liège connaît une nouvelle vague de vols de canards. Ce n'est pas une première. L'objet est très convoité par les étudiants qui se lancent des défis en cette période de baptême. Un reportage de Vincent, je sais pas quoi, Donc, l'automne, c'est une saison des baptêmes d'étudiants, ou ici, on dirait plutôt des initiations. Un des jeux favoris des parrains est d'obliger les bleus, sous peine de représailles, à chaparder des canards à la foire. Bien souvent, la couleur du canard est même imposée. Alors, avec leur tablier, les étudiants sont très vite repérés. On dirait que ce sont des fauves qui sont lâchés, surtout quand ils sont accompagnés de filles. Ce sont souvent des garçons, hein? Ben, ça fait partie du folklore. Sourit Edgar Fenucci, spécialiste de la pêche au canard depuis 1956, au micro de notre journaliste, blablabla. Attends un peu. Là, c'est parce que j'ai été un peu déconcentré. Spécialiste de la pêche au canard. OK. Ben moi, je sais que j'ai déjà vu des amis qui ont fait ça. Ils faisaient ça avec des goélands. Ils prenaient des cannes à pêche, littéralement, puis ils attrapaient des goélands. Vraiment. Là, c'est des spécialistes de la pêche au canard. Ça doit être le même principe. On doit prendre une canne à pêche, puis on lance l'appât, et puis on ferre le canard. Ça doit être ça. En tout cas, les forains se montrent compréhensifs, car a priori, le préjudice n'est pas énorme. Un canard coûte 70 sous. On va pas en faire un plat, ajoute Edgar, qui est bien philosophe. C'est vraiment pas cher, un canard, si c'est 70 cents. Néanmoins, certaines années, lorsque les comités d'initiation ont la même idée, le nombre de canards volés peut atteindre la centaine. Cela commence alors à se chiffrer. À mon âge, je ne vais pas commencer à dire aux bleus d'arrêter, raconte Edgar, en montrant les points. C'est fini, ça, j'ai 80 piges, je s'esclaffe-t-il. La foire de Liège compte 10 attractions de pêche au canard et certains se montraient moins patients qu'Edgar. Ils auraient en tout cas montré de la vigilance et c'est ça, ça l'a fait monter un peu la tension de quelques crans. Un écureuil casse-cou saute du 21e étage et survit à une chute assez impressionnante, vraiment. Hein? C'est un petit animal pour le moins casse-cou qui a été filmé à Toronto, au Canada. Contre toute attente, l'écureuil, qui vaquait sur le balcon d'un immeuble au 28e étage, s'est jeté sans hésitation dans le vide. Pour la plus grande surprise du caméraman qui ne s'attendait pas à cela, l'animal est indemne. Allez voir la vidéo. Celle-là est vraiment bonne. Un bébé mord un serpent venimeux et le tue. Ben oui, hein, c'est la revanche des bébés, donc l'horreur pour des parents brésiliens alors que leur enfant de 17 mois jouait dans le jardin. Il s'est fait approcher, par un serpent venimeux. L'issue de cette rencontre aurait pu être fatale et a été fatale, mais pour le serpent. Lorenzo, qui s'appelle 17 mois, il profitait dimanche des rayons du soleil du printemps brésilien dans le jardin de la maison de ses parents situé à Mostardas, une ville du sud du pays. Voyant que Lorenzo avait mis quelque chose d'étrange dans sa bouche, sa maman s'est approchée pour découvrir que son bébé avait entre ses dents un reptile de l'espèce Jararaca. Selon les témoignages des parents, l'animal était encore vivant et il se débattait après avoir extrait, avec l'aide du papa, le reptile de la bouche de Lorenzo. Les parents se sont empressés de se rendre aux urgences dans la crainte que Lorenzo ait été empoisonné, par le venin de l'animal. Après avoir été observé longuement, les docteurs ont rassuré les parents, concluant que Lorenzo est indemne. L'animal, lui, est mort. Aïe, aïe, hein? Vraiment très, très intéressant. Et là, avant d'oser la comparaison avec la légende d'Hercule, hein, qui, à peine âgé de 10 mois, aurait tué deux serpents qui auraient pénétré dans son berceau, ben, on n'est pas loin de ça avec Lorenzo. C'est-tu le nouveau Hercule? Sûrement. Le Hercule brésilien, on va l'appeler comme ça. Ou peut-être qu'il va devenir dompteur de serpents. Ou ça va être, tu sais, lui, il y avait Crocodile Hunter, lui, ça va être Snake Hunter. C'est ça. Un chauffeur surpris en flagrant délit débat sexuel dans un bus d'école. Cela choque l'Amérique. Ben, tu sais, l'Amérique n'est pas dure à choquer en passant. Un bus d'écolier vide qui s'arrête en pleine journée devant son habitation, il n'en fallait pas moins pour susciter la curiosité de cette maman. C'est une Américaine en train de balayer son entrée. Elle a aperçu donc un bus d'école s'arrêter direct devant chez elle. Hein? La femme, alertée par cette présence inhabituelle, s'est mise donc à filmer la scène. Elle était loin de s'imaginer qu'elle allait filmer le chauffeur de bus avoir une relation sexuelle avec... À l'arrière de celui-ci, donc, avec une prostituée. La madame décrit la scène, donc, aux journalistes de la chaîne de télévision. « J'ai vu le chauffeur et une dame ôter leurs vêtements. J'ai donc décidé de prendre mon téléphone et de filmer la scène. » La femme l'a ensuite envoyé à Fox 6 pour dénoncer les faits de prostitution croissant dans la région de Milwaukee. Selon le début de l'enquête, l'homme n'était pas un chauffeur de bus. Il avait emprunté le véhicule quelques heures, tout simplement, pour avoir cette relation sexuelle. J'adore ce genre de nouvelles. Et ici, tiens, Justin Bieber, à nouveau agacé par la stupidité de ses fans. Moi aussi. Et là, il ajoute, si vous tapez dans les mains, au moins, tapez donc au rythme. Pas facile d'être toujours de bonne humeur face à ses fans, surtout quand ceux-ci sont en majorité des filles très excitées et pas très concentrées. Justin Bieber montre quelques signes de fatigue. Il enchaîne les bourdes face à son public. Donc, Justin Bieber ne semble pas particulièrement apprécier ses nombreuses fans. Ces derniers temps, le chanteur parcourt l'Europe pour une tournée promotionnelle et montre quelques signes d'agacement. En Norvège, oui, il a planté un show, tandis que la veille, il a quitté une émission de radio espagnole sans raison apparente. Il est à bout, Justin! Dernier coup de gueule en date, cette intervention lors de l'un de ses concerts acoustiques, alors qu'il était en train de chanter son tube « What do you mean » devant ses fans, il s'est arrêté pendant la chanson afin de faire remarquer au public qu'il ne tapait pas du tout sur le rythme de sa chanson. Et là, il a dit justement « Au moins, tapez sur les bonnes notes. Allez-y, les gars! Hein? » dit-il en stoppant le public. « C'est comme ça, montre le chanteur. Si vous tapez des mains, au moins tapez en rythme. » Il a vraiment stoppé sa chanson, puis let's go. Moi, c'est drôle, mais ça me le fait l'aimer un peu plus. Heureusement, cette fois-ci, le chanteur l'a pris sur le ton de la rigolade, même si ce moment met un peu mal à l'aise. Les fans présentes, elles, ne semblent pas du tout avoir été perturbées. Elles, du moment que Justin il s'adresse à eux, à elles, elles sont heureuses. Elles oublient tout le reste, hein. Ici, voici pourquoi vous devriez boire un café avant la sieste. OK. Les scientifiques, me semble d'habitude, hein, c'est un café pour se réveiller, mais on va voir. Donc, les scientifiques s'accordent à dire que boire un café avant la sieste permet un boost d'énergie plus grand que de ne faire que l'un ou l'autre. OK. Donc, qu'est-ce qui est plus efficace que de boire du café ou de faire une sieste pour se remettre d'aplomb? Eh bien, boire un café et faire une sieste après. Cela s'appelle une sieste café ou le coffee nap. Cela peut sembler bizarre parce que la caféine empêche de dormir, mais la caféine met un certain temps à faire cet effet. Il lui faut environ 20 minutes pour agir sur le cerveau. Si vous dormez pendant ces 20 minutes, vous allez vous réveiller en très grande forme. Plusieurs études ont confirmé l'efficacité de cette formule. Les cobayes qui ont bu un café puis fait une sieste font moins d'erreurs que les autres à un test de conduite sur un ordinateur. De même, leurs performances au test de mémoire sont bien meilleures. Pour faire une sieste café optimale, il faut boire un café rapidement puis commencer votre sieste immédiatement après avoir fini votre tasse. Vous devez vous assurer de vous réveiller 20 minutes plus tard. Si vous faites la sieste trop longtemps, vous vous enterrez dans un stade de sommeil plus profond et vous vous sentirez tout groggy au réveil. Tout, hein, ça te tente pas. Vraiment, c'est cela. Oui, un éléphanto s'amusait dans le bain et ce que sa mère éléphant a fait est très, très, très hilarant. On va aller voir ça tout de suite. Donc, c'est dans une vidéo publiée par le Elephant Nature Park de Thaïlande, mercredi, qu'un éléphanto d'un an nommé Navan s'est aperçu et a été aperçu à s'amuser dans une petite baignoire. Cependant, lorsque la mère arrive, elle décide qu'il a eu assez de plaisir et qu'il est temps de sortir du bain. Et là, ils nous disent « Avancez la scène à 2 minutes 10 pour voir qu'est-ce qui arrive ». Ah, ben là, c'est plate, ça. On veut pas ça. Hein? 2 minutes 10, on y va. Tiens, on y va tout de suite à 2 minutes 10. Le petit bébé, il est dans son petit bain. La maman, ben, elle retire tout simplement le bain. Ah, puis c'est juste ça, là. C'est ça, là. C'était ça, la nouvelle. Et prête. Désolé. La belle histoire ici, tiens, on va changer de sujet, hein, faut pas s'attarder sur le ridicule. La belle histoire du jour, c'est Miss Thaïlande qui s'est mise à genoux devant la femme qui l'a élevée. OK, mais il n'y a rien là de dire merci à sa mère, hein, tout le monde fait ça. Mais bon, après avoir gagné le concours de beauté nationale, Miss Thaïlande est retournée dans sa ville natale pour remercier sa mère. Donc, elle l'a embrassée sur les pieds, un signe de respect dans ce pays. Donc, elle a remporté ce concours à seulement 17 ans, mais la jeune reine de beauté reste humble. Kanita, ben là, j'espère que tu restes humble avec tes parents. Sérieux, si tu deviens un fraîchier avec tes parents, tu mérites même pas de vivre. Sérieux. Tu sais, tu peux être fraîchier avec le monde, là, mais pas avec tes parents. Tes parents, c'est eux qui t'ont élevé. Là. Fait que, moi, je trouve que la nouvelle, en tout cas, est assez vide, mais on va vous la faire pareil. Elle s'appelle Kanita Fansang. Elle est retournée dans sa ville natale en Thaïlande après avoir été couronnée. Alors, pour remercier la femme qui l'a élevée, elle s'est agenouillée pour embrasser les pieds de sa mère. Un signe de respect profond dans la plupart des pays d'Asie. La photo de la nouvelle Miss embrassant les pieds de sa mère, qui a été publiée par le quotidien britannique le Daily Mail, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. OK. Kanita Fasang, élue Miss le mois dernier, a tenu à remercier sa mère pour les efforts qu'elle a déployés pour répondre à ses besoins. Miss Thailand a déclaré que le beau travail... Pardon, Miss Thailand a déclaré que le travail modeste de sa mère, qui est agent municipal de propreté, a fait d'elle une reine de beauté. Selon le site Drama Fever News, la nouvelle Miss n'a jamais eu honte de la condition de sa mère. Nous gagnons notre vie en faisant un travail honnête. Il n'y a donc aucune raison pour que je me sente inférieure. La jeune femme continue d'aider sa famille en faisant des petits boulots, en aidant sa mère lors de la collecte du recyclage des ordures, etc. Loin des paillettes. Ben, ça va juste la rendre plus sympathique, hein? On peut pas être contre ça. Vraiment pas. Tant mieux. Ici, un étrange dispositif de sécurité au tribunal de Nantes. Vous allez voir, c'est assez bizarre. C'est le palais de justice de Nantes qui s'est doté depuis peu d'un tout nouveau dispositif de sécurité. Une voie robotique qui se déclenche à l'encontre de toute personne s'approchant de trop près du tribunal à la nuit tombée. La misère, elle, monsieur. La scène est donc digne d'un film de science-fiction à Nantes. Une fois la nuit tombée, le promeneur imprudent n'a pas intérêt à s'approcher du palais de justice. Un pas de trop vers la façade du tribunal et voilà alors une voix robotique qui se déclenche, répétant en boucle « Veuillez quitter les lieux immédiatement, sinon nous appelons les forces de la police. Vous êtes sur un site protégé et filmé par nos caméras. » Veuillez quitter les lieux immédiatement. Un dispositif donc de sécurité filmé et diffusé le 2 novembre sur la page Facebook du groupe Nantes Révolté, massivement partagé. La vidéo fait tiquer les réseaux sociaux et d'autant que le phénomène ne semble pas avoir été observé qu'une seule fois. Dans les commentaires, plusieurs Nantais confirment avoir déclenché malgré eux cette bien étrange alarme alors même qu'ils se trouvaient sur l'espace public. Donc juste devant, mais pas devant la façade, mettons sur le trottoir à l'avant. Il est passé en vélo, ça a déclenché, dit-il. Il faut juste s'approcher devant. Un soir, j'y suis passé avec des amis et un garçon en vélo est passé devant et ça a été déclenché, ajoute-t-elle. C'est une personne sur Facebook qui dit ça. Contactée par le journal Metro News, la cellule de gestion du palais de justice se refuse à tout commentaire. Nous ne sommes pas en mesure de communiquer des informations à ce sujet, se borne-t-on à répéter. Ciblé par des actes de vandalisme à plusieurs reprises par le passé, le tribunal de Nantes pense que depuis quelques mois, c'était bien de s'entourer de barricades. Selon les informations au journal local Le Presse Océan, qui a également repéré cette vidéo qui crée la polémique. Un projet qui n'a pas encore vu le jour. La voix, quant à elle, c'est jeudi, toujours d'actualité à bord du Canal. De son côté, c'est parce que j'essaie de comprendre, là, c'était caviardé, oui. Il manquait un bout dans le texte. De son côté, c'est la mairie de Nantes qui assure ne pas être à l'origine de ce dispositif, même si elle a d'ores et déjà pris connaissance. C'est une initiative qui relève du domaine privé, en l'occurrence du palais de justice, explique-t-on. C'est le palais de justice, puis aucun rapport avec la mairie. OK. Donc, nouveau spectacle, son et lumière devant le tribunal de Nantes. Approchez, venez tester la dernière attraction installée sur l'île de Nantes à quelques pas. Vous aurez seulement quelques pas à faire et puis vous allez voir, le spectacle débutera. Vraiment très sympathique tout ça, hein? Ici, très sympathique, un homme accusé de vol se met complètement nu et pète les plombs. Ça s'est passé mardi dernier dans la galerie commerçante de Balmagramont à Toulouse. Donc, accusé de vol par un agent de sécurité, un homme de 48 ans a totalement pété une coche dans un magasin Go Sport. Afin de prouver son innocence, il s'est mis complètement nu avant de proférer de nombreux propos racistes envers l'employé. D'autres vigiles du centre commercial ont dû intervenir pour maîtriser l'individu avant de le livrer à la police. Quelques minutes plus tard, les responsables du magasin ont décidé de porter plainte. On peut-tu voir ça sans qu'il y ait une publicité avant? Ça serait drôle de l'entendre. Le gars a vraiment pété les plombs. Puis tout ça, là, ça se passe dans un genre de sport expert. Puis le gars, il est à poil, juste avec des chou-claques, juste des souliers. Et puis, il gueule. Moi, je trouve ça très... Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecifou.ca. Sébastien Vigartin, un gars pas mal plus informé que moi et toi réunis. Hein? Mm-hmm. Comme compliment. Voici son bulletin Gartin. Bonjour Sébastien Vigartin. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Oui. T'as l'air sérieux tout d'un coup. Ah ouais? Bonjour. Ah, je sais pas. Je le filais de même un matin. Ben, il est fatigué, ça. Lui aussi. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. C'est ça, le mois de novembre, là. Hein? Hey. Hein? La toi, lumière, t'as une session. Ouais. Ouais, même c'est compliqué parce que je fais un micro-programme, là, puis c'est tout mêlé, là, en tout cas. Ah, ben tiens, nous, on va juste programmer un micro à la place pour pouvoir t'entendre faire ta chronique. Hein? C'est pas un beau jeu de mots, ça? Hey, c'était de toutes les beautés. Hey. Tu remarquerais à quel point je les ris. C'est ça. Donc, on parle d'actualité, de politique. Des fois, on parle tout le temps de sujets différents. Oui. De quoi est-ce qu'on parle? Plein de choses. On va parler du nom de famille de la semaine, en fait. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été très drôle. Ben, en fait, pour faire changement, on va parler d'éducation aujourd'hui. Ah, comme deux petits sujets. Ben, deux petits sujets. En fait, deux gros sujets. C'est ça, sont rarement très petits, tes sujets. C'est ça. Ben, premièrement, je vais revenir sur mon éditorial de cette semaine dans le journal. Disponible, le Zone Campus. Le Zone Campus, oui. Disponible dans les kiosques un peu partout à Trois-Rivières, mais principalement sur le campus. Oui. Mais un peu partout quand même, néanmoins. Dans les cafés trendy du centre-ville. Entre autres, mm-hmm. C'est-à-dire les Morgane. Oui, Morgane, mais... le Café Frida, le Presse Café. Il y a au Gambrinus aussi. Oui, t'en as une pince. Il est partout. T'en as une pince? Oh, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas s'il reste là, mais on va le porter là. Peut-être qu'il s'en débarrasse après. Je sais pas. Ah, j'ai peut-être juste pas remarqué, moi, des fois, je suis pas. Surtout quand je m'en vais boire de la bière. C'est ça. Bon, donc, sur cette entrée racoleuse et corporatiste, oui, un brin. Un petit peu. C'est ça. Mon éditorial cette semaine, je parle de. Il y a eu un mini-scandale ces dernières semaines à propos d'un vice-recteur qu'on nommera pas, qui aurait peut-être été payé en trop. Ouais. C'est-à-dire que la nouvelle, c'était que ce vice-recteur-là était un ancien employé de l'Université Laval à la retraite. Ouais. Donc, il recevait une rente de retraite. Enfin, il recevait sa pleine retraite de l'Université Laval tout en travaillant comme vice-recteur à l'UQTR avec son plein salaire de vice-recteur. Il a beau être intérimaire à l'UQTR, c'est quand même le même salaire que Nadia Gazali faisait, c'est bien ça? C'est pas... en fait, il remplaçait pas Nadia Gazali, si je me rappelle bien. Le vice-recteur, c'est pas la même chose, hein? Vice-recteur, c'est pas pareil. C'est vice-recteur, ça. Mais vu qu'il fait la job du recteur, il n'y a pas le salaire du recteur? Honnêtement, je me suis très peu intéressé vraiment à la chicane en tant que Les détails sont... J'ai lu très rapidement. C'est que ça ouvrait un autre débat. Mais juste pour spécifier, il y a dans le fond, ça, c'est les plus hauts fonctionnaires de l'université. Il ouais. Y a le ou la recteur ou rectrice. Ouais. On va le féminiser parce que... Ben, c'est, on va à cause ici, de Mme Gazali, en fait. C'est ça. On va dire le c'est futur ça. Ou futur ex-recteur ou rectrice de l'UQTR, parce qu'ils font tout le temps... Ben, de toute façon, c'est un mandat qu'il faut que ce soit renouvelé. Fait que, on s'entend que c'est pas une charge... qui dure pour l'éternité. Non. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, le recteur-rectrice, ça, c'est vraiment dirigeant de l'UQTR, c'est le premier ministre. Là, ouais. Puis, il y a des vice-recteurs et rectrices qui ont des postes spécifiques. Il y a aux finances, par exemple, il y a aux affaires pédagogiques, une couple comme ça, il y en a 4 ou 5. Faudrait que je révise mon organigramme de l'université. Mais c'est ça, il y en a 4 ou 5 vice-recteurs, si ma mémoire est bonne. Qui ont des charges particulières, alors que vraiment le recteur ou la rectrice c'est vraiment le grand boss. Ouais. En fait, il y a d'autres grands boss. Il y a le secrétaire général qui est théoriquement supposé d'être un notaire qui a une charge assez je dirais complète et qui a un certain contrôle sur ce qui se passe. Il y a aussi la présidence du CA de l'université qui est aussi. Lui aussi il a fait jaser hein, le secrétaire général dernièrement. Secrétaire général? Oui. Il n'avait pas reçu les papiers d'un certain dossier à temps avant une réunion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je veux pas parler contre des collègues, mais le nouveliste, des fois, font des nouvelles avec des choses un petit peu... tu sais, si... Je veux dire... Il sensationnalise la nouvelle. Ouais. Il sensationnalise certaines choses. T'sais. C'est des histoires de bureau à un moment donné. Il n'a pas reçu le papier à temps. Je veux dire, dans des domaines comme ça, ça arrive qu'il y a des retards. Ouais. Des choses qui arrivent, là, on en fait un grand drame, là, puis, mais en tout cas. Mais bref. Ça reste que sans le nouvel liste, il y a plein d'affaires qu'on n'aurait pas su. C'est vrai. Ouais. Donc, d'ailleurs, ce de quoi je parle, c'est un scoop du nouvel liste à la base. La raison pour laquelle je me suis plus ou moins intéressé, c'est que moi, des chicanes de « as-tu reçu son salaire, as-tu pas reçu son salaire? » En fait, la raison pour laquelle ça a fait une chicane, c'est qu'en théorie, bon, t'es à retraite, si tu trouves un autre job, tant mieux pour toi. T'sais. Oui, oui, tout à fait. Mais t'es plus à retraite en théorie. Oui. C'est que la règle, c'est que si tu reçois une retraite d'un établissement public, dans le fond, quelque chose qui est payé par, par l'argent public, là, par les impôts, ce que tu veux. Ouais. Ben, en théorie, si tu te retrouves un autre job d'une autre institution publique, t'as droit à maximum la moitié du salaire que t'aurais normalement si t'étais pas en retraite. Okay. Ça, c'est la règle. Mais là, ce qu'on se fait dire, c'est que, ouais, mais l'Université Laval, c'est une université privée. Fait que la règle s'applique pas. Ça fait pas partie du réseau UQ. Mmh. C'est ça. C'est ça, oui. Ce qui a été dit, c'est que c'est une université privée, donc la règle ça s'applique pas. Et c'est là que moi j'embarque. Ouais. L'Université Laval est-elle réellement une université privée? Est-ce que ça existe des universités privées au Québec? Là, tout le monde va dire, mais oui, l'Université Laval, c'en est une, l'UDM, l'Université de Sherbrooke, tout ce qui n'est pas des UQ, dans le fond. McGill, ouais. Es-tu plus américaine que McGill, comme université américaine ou européenne? Ouais. Mais la réponse, c'est non, ce ne sont pas des universités privées. Mais comment ça? Comment ça? Bon. C'est vrai qu'il y a deux régimes d'université au Québec. Premièrement, il y a les universités du Québec qui sont, bon, clairement publiques, c'est-à-dire que leur financement vient du public, sont financés là, par les l'État. Les contribuables. C'est ouais. Ça, sont financés par l'État, on va dire ça de même. Bon, on paye des frais de scolarité, évidemment, là, mais à base, une grosse partie du financement vient du privé. Ça va bien. On vient de l'État, ouais. Du ministère de l'Éducation. Il y a une... D'ailleurs, ça, dans ce temps-ci, c'est remis en question, mais il y a une espèce d'instance supérieure qui chapeaute toutes les UQ, qui est le Conseil de l'Université du Québec. Puis au-dessus de ça, c'est redevable du ministère de l'Éducation. Ouais. Ou du ministère des études supérieures, là, quand il en existe un. Mais là, présentement, on a juste un ministère pour toute l'éducation, de la prématernelle jusqu'au post-doctorat. Mm. C'est le ministère de l'Éducation du Québec. J'ai dit ça parce que pendant le cours intérim péquiste, là, un an et quelques, là, le 18 mois que le PQ a été au pouvoir, ils ont fait une chose que moi j'ai adoré, c'est-à-dire qu'ils ont séparé les deux. Il y a eu le ministère de l'Éducation qui s'occupait de l'éducation obligatoire, c'est-à-dire prématernelle, primaire, secondaire, éducation obligatoire. Puis il y avait le Conseil de l'étude supérieure et de la recherche, ministère de l'Éducation supérieure et de la recherche, que là, ça c'était cégep université. Ce qui est une bonne chose parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux. On s'entend, là. Le ministère de l'Éducation unifié comme on a présentement, c'est de la job en tabarouette. Il y a beaucoup de stock qui rentre là-dedans. Ils ont juste refusionné ça facilement. Ils ont refusionné ça, ouais, okay. Pour faire moins de ministres à payer. Ouais. Bon. C'est discutable. Tant qu'à moi, c'est discutable, mais bref. C'est pas l'objet de la chronique aujourd'hui. C'est ça. Dans le fond, les universités du Québec, pour revenir à ça, sont chapeautés par un conseil d'université et après ça sont directement renouvelables au ministère. Ce qui fait que, par exemple, quand on a une course au rectorat, dans les universités du Québec, il y a l'université se dote d'une méthode pour désigner un candidat, mais pardon, c'est vraiment le ministère qui a le dernier mot sur c'est qui va être recteur. Donc, ça, c'est une chose intéressante à savoir, c'est que dans le temps, Nadia Ghazali, qui a donc fait jaser puis tout, ben elle a été élue par le ministère. Ouais, okay. Elle a été nommée par le ministère suite à une... Bon, il y a une consultation démocratique puis tout. Sur la consultation démocratique, d'ailleurs, rappelons que les profs avaient chacun un vote, mais les étudiants, il y avait un vote pour tous les étudiants du campus. Ah oui. Wow. C'était l'OGE qui eux autres décidaient de c'était qui leur candidat. Mm-hmm. Je me prononcerai pas là-dessus. Mais... Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est du côté des UQ, c'est ça. Fait que gérance quand même assez très reliée au public et financement très relié au public. Donc, quand on arrive après ça dans ce qu'on appelle les universités à charte, ça, c'est toutes les universités qui n'ont pas Université du Québec à quelque chose dans le nom. Fait que c'est l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'Université de Laval, dont je les ai nommés un peu tantôt. Ouais. Les universités anglophones sont de ce régime-là aussi, Concordia, McGill, Bishops. Donc, ces universités-là, c'est des universités à charte. Ce que ça veut dire, c'est que ils sont pas totalement dans le fond le très très gros de leur décision, la grande majorité se fait vraiment localement, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement là, à part quelques détails là, indépendance sur ce qui se passe sur leur campus. C'est vraiment des quasiment des municipalités. Mm-hmm. pour ce qui est de la gérance. Fait que c'est vraiment, eux autres, même entre eux autres, décident c'est qui le recteur, leur règlement interne, ainsi de suite. Il n'y a vraiment pas de, il y a pas un gros lien avec le ministère de l'Éducation. Ceci étant dit, pour le financement, elles sont financées de la même manière que les universités du Québec. Ah oui? Tantan! Comment ça? Ouais. Regardons! C'est quoi ça? Ben oui. Parce qu'au Québec, on a décidé que le financement des universités se ferait de manière publique. L'éducation, c'est un bien public. Donc, c'est comme la santé. C'est quelque chose qui est public, qui appartient à tout le monde. Donc, dans les années 60, quand il y a eu le rapport Parent, puis quand il y a eu ensuite la création du ministère de l'Éducation, parce qu'avant les années 60, ça n'existait pas, qu'il y a eu la création du réseau des UQ, ben ces universités-là ont été en quelque sorte intégrées. Fait qu'il y a une des différences, c'est que toutes les universités, y compris les universités du Québec, ils ont des fondations. Mm-hmm. La fondation, dans le fond, elle récolte l'argent de la philanthropie puis tout ça. On voit le chiffrier monter sur le bord des routes des fois de l'UQTR. On se demande tout le temps d'où ça vient, cet argent-là. Quand on est un étudiant gradué, on se fait appeler au moins une fois par, je dirais quasiment une fois par session. Là. J'ai pas tenu note exactement, mais d'après, à l'œil, c'est à peu près une fois par session pour se faire demander si on peut pas faire un don pour la fondation. Ma réponse est toujours, excusez, je suis à maîtrise et je suis encore cassé. Ah. Rappelez-moi dans 10 ans. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est dans le fond, toutes les universités ont des fondations. C'est la grosse différence, c'est que, mettons, pourquoi on a l'impression que McGill est privé et qu'il roule donc sur l'or comparativement à nous autres, c'est que traditionnellement, leur fondation est beaucoup mieux garnie que la nôtre. Premièrement, les gens qui ont été là, ils ont tendance à faire plus d'argent dans la vie après et ont tendance à donner plus aussi, à être plus. À avoir généreux. Plus un sentiment d'appartenance à leur université. Puis oui, peut-être d'être plus généreux. C'est une question d'équipe de football, ça. Oui, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est intéressant que tu le soulèves. Dernièrement, là, une grosse affaire, c'est que l'UQTR parle de peut-être réavoir une équipe de football, et c'est un peu dans ce but-là. Oui, pour essayer d'avoir un lien d'appartenance. Oui, tout à fait. C'est ça. Parce que, bon, quand ils ont décidé de faire le move, de dire non, là, faut qu'on ait de l'argent dans la fondation, là, faut qu'on recrée un sentiment d'appartenance, les fanions sur le boulevard Gilles Boulet, sur l'avenue Gilles Boulet. Ça a coûté cher, et puis on s'entend-tu que je me sens pas plus fier? Tu parles des trucs en béton, plastique, métal un peu? Hein? Ben, il y a ça, oui, les nouvelles affiches aux entrées, la nouvelle pancarte. Ah, là. Tu parles des petits, les espèces de petits fanions, là. Non, les espèces de petits, tu sais, ces poteaux de lumière, oui, c'est la Gilles Boulet. Avec les trois petits chapeaux, le nouveau blason. Oui, avant, le signe de l'université, c'était les trois barres. Il y en a une plus longue, puis le reste est vert. Ça, c'est comme le signe de toutes les UQ, puis ils sont juste différents. C'était générique, pas mal. C'est la couleur qui change, mais tu sais, ça faisait années 70, là, on s'entend. Oui. Le logo super symbolique, abstrait, là, mais en tout cas. Bon, là, on est rendu avec un blason que moi, je trouve qui est un plagiat de celui de l'Université Laval. Ben, c'est un peu drôle. Moi, je trouve très, très facile. En fait, c'est drôle que t'en parles parce que je les ai regardés très, très près aujourd'hui même en m'en venant tantôt. Je les avais déjà vus, mais là, je les ai vraiment comme explorés un petit peu plus. Puis le fait qu'ils sont séparés en deux sur le poteau donne l'impression qu'il y a quatre chapeaux puis quatre cours d'eau en arrière. Parce que celui du milieu est coupé en deux. Tu comprends, Jean? Regardez-les! Ils ont l'air d'en avoir quatre. Plus que ça, d'ailleurs, dans le si vous allez au pavillon, le nom m'échappe, le pavillon qui a le bureau de l'administration, là, qui a le bureau Pierre Boucher. Pierre Boucher, c'est ça. Quand vous allez au rez-de-chaussée du Pierre Boucher, il y a une espèce de grand espace. Là. Oui. Puis là-dedans, il y a des différentes affiches. Là, entre autres, je pense qu'il y a les photos des anciens recteurs. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fameux nouveau logo là, en très, très agrandi avec une explication à côté de tous les éléments qu'il y a dessus. Okay. Ça, à m'amener par curiosité. Si vous avez du temps à perdre sur le campus, c'est une bonne idée d'aller voir ça. Cool. Ou si vous vous perdez aussi. Oui. Aussi. Parce que c'est rare que tu perds au Pierre Boucher. Ouais, ça c'est vrai. Que tu perds au Boucher, comme on dit. Dans le temps qu'il y avait les locaux d'assaut au sous-sol, ça arrivait peut-être un peu plus. À tous les jours. Ouais, en fait, les gens ne savaient pas qu'il y avait des locaux d'assaut dans ce temps-là. Ouais, c'était à côté des corps morts, puis des cadavres d'animaux, puis de je sais pas quoi. Il y a plein de laboratoires de biomédical là-dedans. Ouais. C'est particulier comme endroit. Ouais. Ah, good times. Good times. Donc, conclusion partielle de la première partie de ma chronique. Pour la parenthèse. Ouais. Des universités privées au Québec, ça n'existe pas et c'était une mauvaise raison. Dans ta face. Ouais. Bon. Pour continuer, je trouvais ça important d'en parler parce que hier, on a eu notre propre petit attentat au Québec. Ah oui. That's the bomb, yo. On se sentait en Angleterre avec les IRA puis les Irlandais fâchés qui posent des bombes dans les poubelles. C'était de toutes les beautés. On se sentait n'importe où sauf au Québec. Ouais. En 2015. On va se le dire, c'est un peu paradoxal. On s'entend qu'il y en avait, à date, en tout cas, ils ont dit qu'il n'y en avait pas de bombes, finalement. Là. C'était un fake. Là. Ouais, c'était des ouais mais ils ont des, sont associés avec des gens qui travaillent dans l'université pour en poser. Rapport. Avez-vous lu la lettre au complet? Bourré de fautes? Oui. Ils sont pas allés à l'école, je pense. Pas juste bourré de fautes. Pas juste bourré de fautes, les phrases se peuvent pas. Non, ça se peut pas. Il y a vraiment des fautes sémantiques dans les phrases. Bon, c'est déjà drôle, là, on s'entend, là. Drôle, barre oblique, problème psychologique majeur. Mais ça a l'air que c'est un groupe reconnu, ça. Ah! Moi, c'était la première fois que j'en entendais parler, mais... Ça a l'air que c'est pas vraiment... la première fois qu'il... C'est quoi, rouge? Qu'il ferait parler d'eux. Vecteur rouge? Sceptre rouge, voilà. Mm-hmm. C'est quand, les autres fois, qu'ils ont fait parler d'eux autres? Je sais pas, j'ai pogné ça aux nouvelles ce matin. OK, il y a quelques années... Et on avait déjà entendu parler aussi du sceptre rouge. Mais est-ce que ça avait finalement Je sais pas si c'était par rapport à l'éducation, par exemple. Ouais, okay. Peut-être qu'eux décident de fesser là où il y a des problèmes. Là où ça fait mal. Ou ce qu'on en entend parler, parce qu'on s'entend. Du même souffle, chialer, souffre, oui. Du même souffle. Souffle à qui? Se plaignent que les grèves syndicales prennent les enfants en otage. Là, c'est probablement d'une manière beaucoup moins articulée qu'ils l'ont dit. Ouais. Mais t'sais, militer contre le fait que les syndicats, on va mettre des gros guillemets ici, prennent en otage les enfants dans les écoles. Puis la manière d'agir là-dessus, c'est de mettre des bombes dans ces écoles-là. Ouais, on s'entend-tu que c'est un peu... Ouais, puis leur fin de phrase, leur fin de texte, c'est comme, ben si on se donne à tuer des enfants, ben tout bad. Ouais. Ouais, en bad. Plus, moi, on s'entend, le feeling que j'en ai, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression que c'est juste 2-3 énervés autour d'un ordi dans le fin fond de leur rang qui... Ben, on dirait tellement pas que ce sont des adultes, en plus. Non. Mais il y avait des théories, tu sais, sur Facebook. Les gens sont très bons sur les théories du complot. Je sais pas si vous saviez ça. Mais genre que les gens disent, peut-être que c'est une secte de gens, tu sais, qui vont faire du brainwashing, du lavage de cerveau à d'autres pour les convaincre d'essayer des bombes. Bon. Parce que c'est évident, tu sais, pour avoir des bombes, ce que tu as à faire, c'est aller voir le vieux monsieur dans la grotte de Zelda. Ben oui. Pour être acheté des bombes. Clairement. Au dépanneur de bombes. Clairement, c'est super facile. C'est ça. Puis là, quand tu la déposes à terre, faut que tu te tasses assez vite parce que si tu restes dans le radius d'impact, tu vas perdre un petit cœur. Un mètre de circonférence. Tu vas perdre une vie, malheureusement. La petite fille va arriver pour te sauver, de toute façon. Tu vas salir ta petite tunique verte. Il aurait dû s'acheter des grappins aussi. Tu sais, c'est drôle, ces affaires-là. C'est vraiment drôle. Moi, en fait, je pense que. Ce qui, tu sais, mettons, si on sort de ma théorie que c'est vraiment juste des énervés, moi, ce que je vois là, c'est soit vraiment des gens vraiment anti-syndicalistes qui sont crinqués, ben là encore, une clique qui s'est crinquée entre eux autres, puis qui pensaient qu'ils feraient peur aux gens, puis qu'ils feraient arrêter. Tu sais, il y a comme, tu sais, ça arrive des fois, là, des gens, il y a comme une haine viscérale des syndicats, puis de tout ce qui est grève, puis tout ça, pour comme pas de raison. Mm-hmm. Qui sont donc remontés contre ça, puis que ça les a, je veux dire, ça les affecte peut-être même pas, là, on s'entend. Les grèves syndicales actuellement, là, c'est vraiment pas des grèves qui sont trash, là, on s'entend. Là. Ils piquettent en avant des écoles, oh mon Dieu, tu sais. Ouais. Ils bloquent même pas le trafic. Je veux dire, je pense pas qu'il y en a eu qui a bloqué le trafic à date ou quoi que ce soit. Pour des citoyens non syndiqués, ça change rien à leur vie à peu près, tu sais. Mais pas me faire à croire que vous avez une raison d'être crinqué contre ça, là. Je veux dire, si vous êtes un parent, à la limite, mais tu sais. Faut pas oublier que les fameuses grèves syndicales actuellement, ce que les enseignants demandent, c'est ne pas se faire réduire leur salaire, parce que c'est présentement ça à quoi ils font face, et d'avoir des conditions de travail qui leur permettent d'éduquer les enfants, d'enseigner comme du monde. Ouais. T'sais, ils demandent de pouvoir faire leur job, en gros. T'sais. Mais moi, je suis d'accord, là, ils ont des bonnes raisons de l'es-tu comme vraiment militer? D'accord? Mais oui, je suis d'accord pour les raisons pour lesquelles ils militent. Ouais. Sauf que. La façon pourquoi tu l'as pas fait pendant l'été? Parce que ça aurait eu aucune répercussion sur rien, puis il n'y aurait jamais eu personne qui les aurait écoutés. Tu sais, le temps où tu es à l'école, puis que tu milites pour le fait que tu veux justement éduquer l'enfant, sauf que tu prends 3 jours de sa semaine pour le faire, ça me fâche. C'est pour. Ouais. Tu sais, je comprends que ça n'a pas le même impact, là. Sauf qu'en théorie... Ça n'a aucun impact faire ça l'été. Non, mais pendant l'été, mettons. Aucun. Tu sais? Ouais. Sauf que si t'es le même nombre d'enseignants qui décident d'aller piqueter en plein centre-ville de la ville de Montréal en plein été, ça va avoir une répercussion pareille. Peut-être. Sauf que tu le fasses pendant que tu es censé enseigner, ça, ça me fâche. Peut-être que en théorie, je te... En théorie, t'es payé pour le faire. Je sais pas. Mais pas militer, mais je parle, t'es payé pour enseigner. Oui. Fait que pourquoi est-ce que t'irais prendre trois... Au pire, fallait la fin de semaine. Ouais. Comment? C'est un gros débat. C'est un gros débat. Donc, ça faudrait vérifier par contre, parce que pendant les grèves, je pense, ben, premièrement, je pense que les enseignants, c'est pas une grève illégale encore, mais je pense que les enseignants, justement, ils n'ont pas le droit de vraiment comme faire une grève classique du style on bloque complètement tout. Je pense que justement, c'est en dehors des heures d'école que ça se fait. Mais ça, faudrait vérifier là-dessus. J'avoue que je me suis pas, j'ai pas suivi tant que ça. Moi, c'était vraiment. En fait, moi, je trouve que les moyens de presse. Depuis 2012, j'ai l'impression que quand il y a des grèves ou des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus des détails, des moyens de pression que vraiment des demandes. Puis je trouve, malheureusement, c'est un petit peu plate parce que ce qui est intéressant, c'est les demandes à la base. Ouais. Si on écoutait, de toute façon, si on vraiment, on avait un je m'excuse, là, le terme va avoir l'air un peu gauchiste, là, mais si on avait vraiment un dialogue social là-dessus... Je on n'aurait pas besoin de moyens de mot. Pression rendus là, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais. Si on pouvait se contenter d'écrire, mettons, des lettres ouvertes dans les journaux, carrément de faire un manifeste, que les gens liraient le manifeste et qu'il y aurait comme une prise de position, mettons, des politiciens par rapport à ça, puis qu'il y aurait une vraie négociation, ben, on n'aurait pas besoin de moyens de pression, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Tu sais, j'avoue, je veux dire, regarde, 2012, là, pour ceux qui le savent, là, j'étais aux affaires sociopolitiques de l'OGE, là, je veux dire, c'est moi qui l'ai... J'ai quand même géré pas mal d'affaires par rapport à la grève, là. Mais, tu sais, je veux dire, à la base, une grève, c'est pas une affaire de fun. Je veux dire, c'est pas le fun pour personne. Ouais. C'est un peu le but, d'ailleurs, mais... C'est ça, tu sais, quand on en arrive là, tu sais, il y a eu d'autres moyens de pression, il y a eu des tentatives de négociation. Puis c'est ça, comme je disais, je veux dire... Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Tania. C'est vrai que quand tu milites pour dire que tu vas enseigner plus, c'est sûr que ça a l'air un peu paradoxal d'après ça, justement, refuser de l'enseignement une journée. Mais ça, faudrait qu'on vérifie. Là. On reviendra la semaine prochaine, je ferai mes devoirs, puis on reviendra là-dessus, on regardera vraiment c'est quoi exactement les moyens de pression, parce qu'on s'entend l'hier bédin détail des fois. Là. Ouais. Mais... C'est ça, tu sais, l'idée c'est que pour qu'un moyen de pression ait l'effet, faut quand même qu'il y ait des gens qui s'en rendent compte puis tout, puis bon, tu sais, on a un moyen de pression qu'on a la capacité de faire aussi. Je pense que là-dessus, le communautaire frappe beaucoup plus fort que les profs d'ailleurs. Mm-hmm. Communautaire, eux autres, ils en bloquent des rues à Montréal surtout, là, mais il y a eu des manifs au début de la semaine à Trois-Rivières aussi. Je pense que là, rendu là aussi, c'est le fait que le nombre de gens, c'est le fait qu'on en parle, en fait, c'est peut-être ce qui fait que ça va peut-être durer le moins longtemps possible, parce que ça va faire que ça va bouger maintenant. Ben, tu sais, en plus, on vient de changer là, de gouvernement. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme laisser le temps au ça, monde ça, de ouais. justement prendre en considération que oui, ça fait une couple de temps que vous le demandez. Il y a tout cet aspect-là aussi. Ouais, là-dessus, par contre, c'est sûr que c'est des négociations qui sont plus par rapport au provincial. Ouais, le fédéral a beaucoup moins rapport. C'est sûr que ça peut changer parce qu'il y a les transferts en éducation. Puis Justin Trudeau a fait campagne sur le fait que je suis jeune et vive les jeunes. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir dans les prochains mois des annonces comme quoi est-ce qu'il va y avoir plus d'argent du fédéral en éducation au provincial. Ça va peut-être jouer là-dessus, mais je pense que le problème à la base ici, c'est qu'il y a un manque d'écoute de la part du politique québécois, dans le fond, du gouvernement québécois, par rapport aux demandes des enseignants. Parce que, en quelque part, c'est les gens qui sont le plus proches de la situation. C'est eux autres qui savent c'est quoi les besoins, puis leurs demandes sont, pour l'instant, pas écoutées. Bon. Si vraiment piqueter, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen pour le faire entendre? Là, c'est toute une autre discussion. Puis, ouais. C'est vrai que... J'ai pas de réponse à ça. Mais ouais, est-ce que les menaces de mettre des bombes dans les écoles, ouais, c'est une bonne idée? Je pense qu'on est d'accord que non. Ouais. Je pense que c'est complètement stupide. Tout à fait. Non, seul, mais ça, je pense que personne va argumenter dans l'autre sens comme dans « Ah, mais quelle excellente façon de faire les choses! » Je penserais pas qu'il y ait de gens qui vont faire ça. Donc, si je comprends bien le symbole de laisser un silence de 3 secondes, c'est que tu avais terminé sur ton sujet. Ben, je pense que oui. Ça m'a juste surpris parce qu'on est juste rendu à comme genre, même pas genre, peut-être 25 ans. Ouais, là, on est comme sérieux? Surpris. Ben là, Colin. Ouais. Attends, on va trouver d'autres choses à dire. Ouais, là, on retourne à l'idée principale, ouais. Le vice-recteur qui est payé en double. Ouais, hey, surge-toi, vas-y avec ton éditorial, genre. Non, mais... Là, ça a pas d'allure! Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'on a décelé le fait que les universités privées sont pas tant privées que ça. Ouais, c'est ça. qu'est-ce que, selon toi, qui devrait arriver avec ça? Ben, moi, je pense que, clairement, la règle devrait s'appliquer ici. Mm-hmm. Est-ce qu'on lui demande de repayer ce qui a été payé en trop? Là, c'est tout le temps touché, ces choses-là. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ben, ouais. Un peu comme Nadia Ghazali a elle-même refusé de l'argent. Quand tu sais, il y a eu une histoire par rapport à elle a refusé quelque chose d'argent parce qu'elle était... je sais pas les détails. Elle a refusé un montant de quelque chose. C'est ça, on s'en rappelle. T'sais. C'était... honnêtement, je m'en rappelle pas pantoute. C'était pas son montant de rectrice en tant que prof. Quand elle retournait prof. Ah, ça se peut qu'elle ait refusé son salaire de rectrice parce qu'en tant que rectrice, elle gagnait plus qu'en tant que prof. D'ailleurs, le fait qu'elle a été réengagée comme prof après, c'est quand même un peu un cadeau qu'ils ont fait. Mais moi, je pense que dans la situation... Bon, moi, je pense que c'est assez clair que j'étais un peu Team Ghazali, là. Mm. Mais je pense que dans la situation, c'était la moindre des choses, là. Je veux dire, la faute au chômage, de même, c'était un peu... ça aurait été un petit peu intense, ses bords. Mais ouais, c'est ça. Ben, ça, en fait, devrait-il rembourser ou non? C'était vice-recteur-là, là, il y a des détails. Puis comme je dis, moi, c'est vraiment pas le... toute la question de salaire ou quoi que ce soit qui m'a intéressé. Moi, c'est plus la question de principe de... ben, tu sais, l'argument m'a fait... oui, l'argument, c'est plus l'argument qui m'a resté dans la tête de... je trouvais, mais mon Dieu, que c'était un mauvais argument, parce que moi, je le savais que c'est pas le cas. Dans ces situations-là, je pense que serait-ce au niveau du principe, ben, c'est de l'argent auquel il y a eu droit qui devrait pas... auquel il y a eu droit. C'est de l'argent qu'il a touché auquel il aurait pas eu droit normalement. Fait que oui, je pense que ça devrait être un remboursement. Je veux dire, si c'est un retour d'impôt trop gros, même si c'est 4 piastres, si tu le fais exiger, puis c'est les mêmes t'as d'affaires à le remettre. Là. Ça au pire couper son salaire futur. À la limite. Comme couper le salaire qu'il a présentement. C'est ça, exactement. Puis une autre affaire aussi, ça serait peut-être de clarifier le règlement, de dire institution privée, institution publique. Ça va peut-être prendre une définition plus claire que juste dire privé-public, puis on va le guesser, tu sais. Ouais. Parce que, les universités, surtout les universités à charte, peuvent être considérées comme des zones grises, parce que tu pourrais, tu sais, ce que j'ai dit, moi, c'est que je pense que la subvention, il y a quand même une partie qui vient du public, mais tu pourrais dire, ouais, mais c'est des subventions, leurs activités, puis eux autres vivent sur leurs frais afférents, puis sur leur... parce que c'est une des différences aussi, là, les fameux FIO, là, qui, dans le fond, tu te rappelles... quand on paye notre facture pour nos cours, il y a deux choses qu'on paye, en fait. Ben, en fait, trois choses. Il y a, ben, premièrement, les cotisations aux diverses assurances et associations, puis tout le kit. Ça regarde pas tellement ce qu'on va parler, mais il y a deux genres de frais de scolarité. Il y a ce qu'on appelle les droits de scolarité, c'est-à-dire, c'est le plus gros morceau. Ça s'en va au ministère de l'Éducation direct. C'est l'université qui les perçoit, mais ils refont le chèque tout de suite au ministère. Après ça, le ministère a comme une espèce de calcul là, pour les subventions aux universités, dans le fond, sur le financement en fait, des universités, parce que c'est pas juste des subventions, c'est vraiment la base, théoriquement, c'est la base de leur argent pour fonctionner. Puis il y a ce qu'on appelle les frais afférents ou les frais de scolarité. Des fois, c'est juste appelé les frais de scolarité, mais en fait, les frais de scolarité, ce serait la facture totale. Mais frais afférents, frais institutionnels obligatoires, qui est l'autre nom, là, les FIO. On a eu, il y a quelques années, là, pour les anciens de l'université, on a eu une querelle un peu là-dessus parce qu'il y avait des frais... parce que ça, c'est très, très réglementé dans les universités du Québec. Comment est-ce qu'une université a le droit de demander des frais afférents? Ils n'ont pas le droit de hausser les frais afférents de plus que tant de pourcents par année. Puis là, il y en avait qui avaient été trop haussés, ce qui fait qu'il y avait des frais afférents perçus en trop qui étaient illégaux. Puis là, il fallait que le GE s'arrange avec l'université, puis c'est vraiment ça qui avait été dit. Le ministère, ils ont dit à l'université, ben arrangez-vous avec votre asso étudiant. C'est les étudiants qui vont décider qu'est-ce que vous faites avec. Mm-hmm. Avec les frais perçus en trop, parce que là, ça date de quelques années. Est-ce qu'on les rembourse? Est-ce qu'on les garde pour des activités? C'est bien compliqué. C'est ça, tu sais. Il y avait du monde qui avait demandé que ça soit remboursé aux étudiants qu'ils avaient payé en trop. Personnellement, j'en ai été un qui avait été perçu. J'ai été un étudiant qui a été perçu en trop, puis moi, je pense que l'université me devait 10$. C'est difficile à gérer aussi avec autant d'étudiants, puis il y a des petits montants d'argent. C'est ça. Fait que, tu sais, ce qui avait finalement, si je me rappelle bien, ce qui avait été décidé, c'est que ça avait été remis en bourse. Ah, okay, une partie en bourse, une partie pour financer le pavillon, en fait. Ah oui. Donc, t'as reçu 10$ de bourse? Non. Non, à la place, ils ont fait un plus gros morceau, puis ils ont donné une coupe de bourse à des gens. Okay. Mais tu te rappelles pas, genre, quand tu as ouvert le pavillon, ils ont juste lancé de l'argent par les fenêtres, puis là, les gens pouvaient courir après. C'est le fun, c'est l'activité qu'ils ont faite. Puis quand il y avait quelqu'un de plus de 30 ans qui venait chercher de l'argent, il se faisait donner un coup de bâton. J'imagine l'affaire, t'es-tu étudiant? Non, un coup de grappin. C'est bon! Nightstick! Ouais. Bref, là, c'est tout. Là, c'est fini. C'est dessus? Je peux-tu juste Oui, parce que c'est ça, une des différences avec les universités, les universités publiques et les universités privées, c'est que les frais afférents, dans le fond, les universités publiques, comme l'UQTR, c'est très, très réglementé. Les universités privées, les universités à charte, oui, en fait, qu'on va dire, qui est le vrai terme, fait qu'on va arrêter de dire université privée. Université à charte. Sachez-le, oui. Arrêtez de le dire. Là encore, coup de nightstick, si vous dites université privée au Québec. Mais c'est ça. Eux autres, ils ont le droit de justement. Ils ont plus de latitude pour fixer leurs frais afférents. Mais si on s'inscrit à une de ces universités-là, les droits de scolarité sont quand même versés au provincial et reversés après selon le calcul habituel. Donc, conclusion des universités privées au Québec, ça n'existe pas. Le vice-recteur aurait dû ne pas être payé de son plein salaire. Ouais. Et faire semblant de poser des bombes dans les écoles, c'est pas bien. Et voilà. C'est dit. Et voilà. Ça résume bien la chronique. Il a utilisé le mot conclusion, et là, je sais que c'est la fin de la chronique. Ici, Sébastien Guertin. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h, pour le bulletin Guertin. Puis on te lit dans un campus. Toujours. Zonecampus.ca. Au deux. Qui est sorti hier. Oui. Et puis, c'est en page 5. Oui. À chaque numéro. Carré jaune. C'est ça. Il y a un carré jaune, je suis dedans. Ah, sérieux. Sérieux. Ouais, je suis contre le nucléaire aussi. Grâce à ma Non, mais tu parenthèse, de faire une parenthèse, mais aussitôt qu'il est sorti, il avait l'air un petit peu plus orange que ça, Zone Campus, au début de la session. On l'a un petit peu. Là, il est revenu au jaune que moi j'avais décidé, mais avec l'impression, notre compagnie d'impression l'avait rendu un petit peu orange au début. Puis là, on s'est fait dire, ben là, c'est parce que c'est quoi, c'est la couleur du NPD, là. J'étais comme, man. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont. Il y a vraiment une personne. Je te laisse deviner c'est qui, parce qu'on le connaît tous, mais oui, c'est ça. Sinon, moi, je trouve que le rouge, le vert, le bleu, le orange peut pas être utilisé. Tu sais, je veux dire, on va le mettre rose, le journal. Mais ça, c'est Pepto-Bismol, ça va me donner mal au cœur. Mais l'an dernier, on était bleu pâle. Oui. C'était la même couleur que les pancartes du bloc. C'est fait ça. Que là, on aurait été bloqué sur la place. On peut dire aucune couleur. À un moment donné, là. Brun. Oui, brun puis rose. On va faire un mélange rose puis brun, ça va faire comme des fraises enrobées de chocolat. Exactement. Ça va être carré. Les personnes ne vont pouvoir rien dire. Ah, mais là, c'est parce que je suis intolérant au sucre. Je suis gluten. Ouais, c'est ça. Là, gueule, tu sais. Là, on va le mettre blanc, puis là, on va se faire dire, ah, ben ouais, tu sais, hein, coca-ca, tu sais. On va le mettre noir, on va se faire dire, ouais, mais là, ça, c'est un petit peu sombre. Tu sais, ça manque de couleur, ça. C'est un peu trop intégré, ce que la communauté multiculturelle. Ouais, c'est ça, ça. C'est quoi? En tout cas, hey, bravo. Morale de l'histoire, les critiques des fois, faut en prendre par laisser. C'est ça, en prendre avec un grain de sel. C'est ça. Mais là, le grain de sel, c'est pas bon pour la santé, ça donne de l'hypertension. Mon foie. Rein, c'est les reins, hein? Les reins, ouais, c'est pas bon pour les reins aussi. Bref, merci Sébastien Vigatin. Merci à vous. Je vais, à la semaine prochaine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Un papa oblige ses enfants à manger des légumes. La mère porte plainte. Non, c'est ça. Hein? La plainte de la mère de famille déposée mardi auprès de la gendarmerie de Briec dans le Finistère, en France, a été immédiatement classée sans suite par le parquet. Ah bon, au moins, hein? Donc, des légumes, tu mangeras. Une mère de famille a déposé une plainte dans le Finistère contre le père de ses enfants, l'accusant de les contraindre à manger des légumes. C'est ce qu'on a appris auprès du parquet de Quimper. La plainte déposée mardi auprès de la gendarmerie de Briec a immédiatement été classée sans suite par le parquet. Ce dernier ne l'a en effet pas jugée recevable. Je pense que c'est une bonne chose. N'assimilant pas le fait de forcer ses enfants à manger carottes, haricots, brocolis ou autres choux-fleurs à un acte de violence. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise depuis 2003 de consommer 5 fruits et légumes par jour, une consommation qui figure notamment dans le programme de nutrition santé des Français. Alors, espèce de jambonne. Ces pays qui déclarent la guerre aux chats. Trop encombrants, trop nombreux, trop destructeurs. Plusieurs pays ont décidé de diminuer la population de ces petits félins. Et puis, on fait partie de ça. C'est une nouvelle qui nous vient de France. Donc, star des réseaux sociaux, mignon et facétieux, eh bien, le chat est pourtant un ennemi à combattre dans plusieurs pays. Souvent domestiqué, le félin peut présenter une véritable menace pour la biodiversité alors qu'il retourne à l'état sauvage. Castration, stérilisation, transfert vers l'étranger, afin de diminuer la population de ces animaux encombrants, plusieurs pays ont opté pour différentes méthodes. Entre autres, en Australie, un plan d'extermination, le Felis catus, nom scientifique du chat, est un habitué des rues de Sydney et de Canberra, où il a été introduit au 19e siècle par les colons britanniques. Sa présence devait aider à lutter contre la prolifération de lapins. Deux siècles plus tard, le gouvernement australien annonce en juillet qu'il compte éliminer 2 millions de ces animaux d'ici 2020. La raison, le pays est peuplé de plus de 20 millions de chats errants qui tuent chaque jour 75 millions d'animaux sauvages. Face à cette menace, le gouvernement s'est lancé dans un vaste plan d'extermination afin de protéger 20 espèces d'oiseaux ainsi que 20 espèces de mammifères menacées de disparition. Ben c'est de même, puis c'est correct, il n'y a pas de problème là. Du moment qu'ils font de la bouffe avec... Ben pour vrai, c'est pas pour être juste jeté, là, ou au moins garder la fourrure. Faut pas que ce soit de la perte là, quand même. Interrogé en juillet par la radio nationale ABC, eh bien, Gregory Andrews, le commissaire aux espèces menacées, prévient qu'il est important de souligner que nous détestons pas les chats, mais nous ne pouvons juste plus tolérer les dommages qu'ils causent à la faune. Et c'est vrai, puis ils font bien. En Israël, un ministre propose le transfert vers l'étranger. Un transfert à l'étranger pour le bien-être animal. Lundi, le 2 novembre, le ministre de l'Agriculture israélien. Mais moi, c'est où qui va les mettre, puis qui va vouloir les recevoir, ces chats-là? Uri Ariel a proposé de transférer dans un pays étranger les chats errants plutôt que de les castrer afin de respecter les principes du judaïsme et la législation. Le ministre estime qu'il existe un conflit entre la castration et la Bible, selon laquelle les animaux doivent se multiplier sur la terre d'Israël. De plus, une loi votée en 1994 interdit la torture, l'empoisonnement ou l'abandon des bêtes en Israël. Dans une lettre adressée au ministère de l'Environnement, Uri Ariel, membre du Parti conservateur religieux Foyer juif, propose donc que le budget ministériel prévu pour empêcher la reproduction des chats errants soit utilisé pour les transférer vers un pays étranger. C'est parfait ta solution, mais vers qui? Qui va les prendre, tes chats? Une proposition jugée lamentable par la Société de protection des animaux israélienne et par le député de l'opposition, Yoel Hanson. Cette proposition est immorale. Aujourd'hui, les chats. Demain, le ministre trouvera une raison religieuse pour transférer des êtres humains, a-t-il déclaré, faisant allusion à son parti, dont certains membres prônent le transfert volontaire des Palestiniens. Moi, je vois pas aucunement le lien, là. Mais je sais les problèmes, je comprends les problèmes d'Israël. Mais ça n'a aucun rapport de transférer des chats. C'est pas parce que le gars il veut transférer des chats que là, il veut transférer des Palestiniens. Par contre, moi, la question, c'est qui va prendre ces chats puis pourquoi les autres pays voudraient avoir plein de chats chez eux? Sérieux. Pour détruire leur diversité ou pour se faire de la bouffe? C'est ce que je disais tantôt. Non, mais c'est vrai. Il y a la ville de Québec qui souhaite leur stérilisation. Après la ville de Huntingdon, située au sud de Montréal, la ville du maire Gendron, là, je pense qu'il n'est plus maire, mais en tout cas, on connaît Stéphane Gendron. La municipalité de Québec a envisagé en février d'instaurer une loi rendant obligatoire la stérilisation de tous les chats errants dans sa ville. C'est une option qui est sérieusement envisagée quand on parle de gestion animale éthique. On passe à la stérilisation obligatoire. C'est une idée qui fait consensus. C'est ce qu'a déclaré Patrick Voyer, conseiller municipal du dossier et responsable du dossier des animaux à Québec. Selon le journal canadien... Quel journal canadien? Ah, le journal La Presse. 80 000 chats errent dans la ville de Québec. Face à cette surpopulation, les refuges animaliers affichent constamment complet, alors que les mâles peuvent être agressifs et causer de sérieux dommages dans l'espace public. Le Québec, contrairement à la France, autorise aussi le dégriffage des chats. Cet acte qui consiste en l'ablation des dernières phalanges du félin est remis en question depuis plusieurs années dans la province. Ah, eux autres, ils veulent pas, là. C'est comme... C'est de la mutilation, hein, pour les Français, ça. Ridicule. Les taurides, vous savez c'est quoi? Les taurides, c'est cette pluie de météores qui va illuminer le ciel en novembre. Entre le 5 et le 12 novembre, eh bien, la pluie de météores des taurides atteindra son pic d'activité. Après les draconides et les orionides en octobre, c'est au tour des taurides de faire le spectacle. Comme chaque année, la pluie de météores est visible de fin octobre à mi-novembre, mais elle atteindra son maximum d'activité entre le 5 et le 12. Durant ce pic, eh bien, près de 7 météores pourront être observés par heure dans un ciel sombre et dégagé. Les taurides ne sont généralement pas très nombreux, environ 5 par heure, et se déplacent lentement, environ 27 km par seconde. Oh, ça, c'est lentement, 27 km seconde, hein? En revanche, ils sont connus pour produire des phénomènes particulièrement lumineux qui leur vaut parfois le surnom de boule de feu d'Halloween. Ceci est lié au fait que l'essaim est constitué de fragments plus massifs que la plupart des autres pluies de météores. Ces étoiles filantes seraient issues de la comète Encke, ou peut-être d'une comète encore plus grosse qui aurait laissé derrière elle la comète de Encke, ainsi qu'un essaim de fragments il y a environ de 20 à 30 000 ans. La pluie survient lorsque la Terre croise la route de cet essaim. Toutefois, celui-ci n'est pas uniforme. Avec le temps, il s'est fragmenté en deux groupes distincts, notamment sous l'effet de la géante gazeuse Jupiter. C'est pourquoi les taurides sont divisés en deux groupes, les taurides du nord et celles du sud, qui ne se produisent pas exactement en même temps. 2015 est une année propice pour ces taurides. Selon les astronomes, eh bien, ce sera plutôt propice à l'observation des taurides, car la Lune ne formera qu'un mince croissant durant la phase la plus active. La lumière lunaire n'éclairera donc pas le ciel noir et ne masquera pas les météores. Par ailleurs, une équipe dirigée par l'astronome David Ashera a découvert que périodiquement la Terre croise la route d'un essaim de fragments plus gros que d'habitude. Cela donne alors de vraies boules de feu dans le ciel et ce serait le cas en 2015. Cette année, il ne faudra donc pas manquer le rendez-vous avec les taurides. Pour apercevoir ce phénomène, aucun équipement particulier n'est nécessaire. L'œil nu peut suffire. Les météores peuvent provenir de la constellation du Taureau, d'où leur nom, mais ils traversent généralement une bonne partie du ciel, faisant apparaître une lueur colorée. Il est clair que je vais sortir mon appareil photo durant les prochains jours. Et tiens, on va terminer avec cette nouvelle avant d'aller en musique. Je vous parle de la Roumanie. Saviez-vous qu'écrire un livre en prison permet de réduire sa peine? Depuis 2013, tout ouvrage publié par un détenu allège d'un mois son séjour derrière les barreaux, un système qui encourage la corruption. Bizarre. Donc, à Alcatraz, l'ancien fort militaire de la baie de San Francisco, reconverti en pénitencier fédéral invulnérable, l'accès à l'abondante bibliothèque de l'île se méritait. En Roumanie, c'est une autre affaire. La rareté des livres en milieu carcéral coupe court à tout appétit de lecture. Pourtant, nombreux sont les prisonniers qui se lancent dans l'écriture. Et pour cause, pourvu qu'il soit rédigé à la main, un ouvrage, quel qu'il soit, entraîne d'une manière inéluctable une remise de peine de 30 jours pour son auteur. En vigueur depuis 2013, cette mesure insolite découle d'une ancienne disposition législative selon laquelle tout détenu s'adonnant à des recherches universitaires bénéficiait d'une libération anticipée. À l'époque, une flopée de critères fermait la porte aux abus. Une nouvelle loi imposant des directives strictes fixé par le ministère de la Justice et ratifié par le gouvernement devrait être voté. Mais il n'en est toujours rien. Résultat, le système est aussi vicié que les élites corrompues qui en profitent, comme le rapporte sur son site le magazine britannique The Economist. Écrivain fantôme et plagiat. Loin d'initier les délinquants aux belles lettres, cette initiative, qui s'inscrit pas non plus dans une politique de réinsertion des prisonniers, permet aux plus fortunés d'entre eux d'avoir recours au service de nègres qui, sous couvert d'encadrer leurs travaux, écrivent à leur place. En croire les journalistes roumains, les manuscrits sont ensuite passés en douce dans l'établissement pénitentiaire, puis recopiés ni vu ni connu par les détenus. Une fois l'éditeur trouvé, les exemplaires sont présentés à la Commission des libérations conditionnelles, dont les membres du jury évaluent les compétences valables, sans compétences valables si l'ouvrage mérite ou non une sortie prématurée de prison. Parmi les prétendus écrivains à tirer profit d'une telle faille juridique figure Georges Copeau, un riche homme d'affaires et ancien membre du gouvernement, depuis accusé de plagiat pour son livre sur les alliances matrimoniales des dirigeants roumains au Moyen Âge, Adrian Nastase, ancien premier ministre, ou encore Gica Popescu, ex-vedette du football reconnu coupable de blanchiment d'argent qui s'apprête à recouvrer la liberté après la rédaction de pas moins de 4 manuscrits. Sans oublier le cas de Railini Lupsa, un chanteur de variété dont l'ouvrage portait sur les cellules souches dans le domaine de la médecine dentaire. Dans un pays où le premier ministre Victor Ponta lui-même est sur le point de comparaître devant le tribunal pour une affaire de corruption, ce vide législatif permet aux personnalités emprisonnées de donner libre cours à des œuvres sans valeur pour obtenir des remises de peine. Sérieux, c'est très particulier, ça. S'ils favorisent la triche dans les geôles roumaines, les livres ont aussi le pouvoir d'entraîner la gratuité des transports en commun dans la petite ville de Cluj-Napoca, située dans le nord-est du pays. Un rapport plus sain à la lecture à moins, bien sûr, de faire semblant de lire. OK, si tu lis dans les transports en commun aussi, ça te coûte moins cher. Assez particulier ce qui se passe en Roumanie. Sur ce, eh bien, on s'en va découvrir une excellente pièce. Ben, comme je l'ai dit tantôt, hein, peut-être pas aussi hot que ça, peut-être pas aussi hot que Fille à plumes, mais c'est le super remix de Elton Daou, le remix Maman, fait par Malajub. Donc, on écoute ça direct now. Thank you.

personne t'appelle Alex, hein? Non, c'est pas c'est Alexandrine, ça va mieux que ma personnalité, oui, je pense. Oui, c'est vrai. T'es c'est pas vrai. Une Alexandra du tout, t'es une Alexandrine, ça paraît dans ta face. Puis Alex, je trouve ça fait trop comme Alex. C'est trop yo-yo-yo, ouais. Mais, comme j'ai dit, Drine? Non. Sandrine? Non. Alexandrine. Oui. Voilà, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On parle de cette dame qui, somnambule, parcourt plus de 15 kilomètres. OK. Une bonne marche. Donc, c'est Taylor Gammell, une jeune Américaine de 19 ans, qui a parcouru près de 15 kilomètres, oui, sans s'en rendre compte, alors qu'elle était victime d'une crise de somnambulisme. Vendredi, vers 6h du matin, eh bien, son père avait alerté la police après avoir constaté la disparition de sa jeune fille au domicile familial dans le Colorado à Arvada. Un avis de recherche avait alors été diffusé sur Internet et à la télévision par les forces de l'ordre. 3 heures plus tard, Taylor Gammell a été retrouvée saine et sauve, endormie sur le canapé de ses cousins à Westminster, une ville située à plus de 15 kilomètres de sa maison. Mm-hmm. C'est une forme assez sévère de somnambulisme. Hein? Selon les premières constatations de la police, la jeune femme aurait erré dans les rues une bonne partie de la nuit, et pris le bus alors qu'elle n'était vêtue que d'un T-shirt, un pantalon de jogging et des chaussettes aux pieds. Elle n'avait ni téléphone, ni argent, ni quoi que ce soit. Elle s'est simplement levée et elle a sorti de la maison. C'est ce qu'a indiqué au Mirror Mark Teckemer, porte-parole du bureau du shérif du comté de Jefferson. Taylor Gammell souffre d'une forme sévère de somnambulisme. Elle se contente de marcher. OK. Je ne pense pas qu'elle sait où elle va ou ce qu'elle fait, ce qui est encore plus effrayant, a commenté son papa. Quand même. Il y a Ah oui, celle-là, avant, on va faire elle, ça va être plus... oui. Donc, le Skyline, connaissez-vous le Skyline? Eh bien, c'est un avion capable d'aller de Paris à Sydney en seulement 4 heures. C'est le gouvernement britannique qui a décidé d'investir 84 millions d'euros dans Skyline, un avion qui pourrait relier Paris à Sydney en moins de 4 heures. En réalité, il s'agit en réalité de la mise au point d'un lanceur orbital, développé par la société britannique Reaction Engine Limited depuis le début des années 90. Sa particularité tient à son moteur de nouvelle génération baptisé le Sabre pour Synergetic Air Breathing Rocket Engine. Ce moteur pourra fonctionner dans deux modes différents, de la piste de décollage à 5 fois la vitesse du son Mach 5. Le moteur tirera son oxygène de l'atmosphère grâce à un inédit système de refroidissement. Au-delà de cet incroyable et à une altitude de 26 km, le moteur opéra comme un moteur de fusée classique carburant à l'hydrogène liquide. Un tel appareil mettrait chaque point du globe à moins de 4 heures de vol depuis n'importe quel endroit. Mais avant de monter dans cet appareil, il faudra patienter au moins une décennie. Un test complet de moteur au sol est prévu pour 2020. Ouf qu'on n'est pas rendu là. Preuve que ce projet un peu fou ne l'est pas totalement, des industriels se sont engagés auprès de Reaction Engine Limited, à l'instar du géant de l'aérospatial BAE Systems, qui a pris une participation de plus de 20% dans l'entreprise, moyennant les 29 millions d'euros nécessaires. Car à terme, non seulement cet appareil pourra bien déployer un satellite en 48 heures et revenir sur Terre, mais il pourra aussi se mêler à la bataille féroce des voyages commerciaux de l'espace que développent, entre autres, SpaceX et Virgin Galactic, ou encore Blue Origin, ou d'autres qu'on ne sait pas encore qui, mais qui vont venir se mêler de la chose. Hein? Où il y a de l'argent à faire, où il y a des prouesses technologiques à arriver et où on peut faire des gros, gros sous, ben il y a plusieurs gens qui s'invitent à la fête. Il y a Air France, on va rester dans l'aviation. Air France amène les Américains voir Star Wars 7 en avance à Paris. Alors que le film Star Wars 7 se tirera en France le 16 décembre, 2 jours avant les États-Unis, eh bien Air France propose aux Américains de traverser l'Atlantique pour le voir avant leurs compatriotes. Bonne idée. Lancée à la fin du mois d'octobre, cette offre baptisée Flight and Cinema concerne 4 vols d'Air France au départ des États-Unis le 15 décembre prochain. Un partira de Los Angeles, un de San Francisco et 2 de New York. Les passagers qui se sont inscrits ou qui le feront dans les jours à venir pour le package Star Wars de Réveil de la Force atterriront à Roissy-Charles de Gaulle le 16 décembre et seront acheminés au cinéma Europa Corp du Tremblay en France, où sera projeté le film tant attendu en 3D. Les fans de la saga de Star Wars étant nombreux aux États-Unis, Air France indique que l'opération est déjà une réussite, les retours côté américain étant très positifs en attendant le grand jour. Eh ben oui, hein, pour 2 jours, donc 2 jours avant. Ça, là, c'est bien important de le voir avant les autres, c'est ce qu'on se dit. Il y a la ville de Québec parmi les meilleures destinations rapport qualité-prix selon Lonely Planet. Tout le monde aime en avoir pour son argent, surtout en voyage. Eh bien, l'éditeur de guides de voyage de renommée mondiale et même internationale, ben c'est pas pareil, hein? Lonely Planet a publié son palmarès annuel des meilleures destinations rapport qualité-prix. La ville de Québec fait bonne figure et se positionne au 7e rang de cette compilation qui vous donnera assurément le goût de partir à l'aventure. Je vous envoie donc le top des villes les plus intéressantes à voyager selon le rapport qualité-prix. Première place à aller absolument visiter, c'est l'Estonie. Donc, ça ne doit pas être trop cher d'y vivre là-bas. Deuxième place, Hanoï au Vietnam. Troisième place, l'Afrique de l'Est. Il y a le Nouveau-Mexique ensuite, la Bosnie-Herzégovine en 5e position, la Galice en Espagne. La 7e position, eh bien, c'est la ville de Québec, tout près ici. La 8e position, c'est la côte Caraïbe du Costa Rica. Et sinon, le Timor-Leste en 9e position. Et en dernière position, des meilleurs voyages ou destinations rapport qualité-prix, c'est en 10e position, l'Australie occidentale. Je vous dis bon voyage. Et saviez-vous que des gens se font maintenant tatouer le blanc des yeux? Des grands champions. Des gens se font tatouer le globe oculaire dans une nouvelle tendance du monde de la modification corporelle. Selon la BBC, la pratique a vu le jour lorsqu'un tatoueur nommé Luna Cobra a commencé à exercer avec des seringues pour imiter le look des personnages du film Dune. Depuis lors, la tendance a pris son envol et plus de 16 000 personnes a liké la page Facebook Eyeballs Tattoo. La procédure permanente implique un nombre d'injections permettant aux couleurs choisies de demeurer sur la couche supérieure de l'œil, la conjonctive. Cependant, la procédure n'est pas sans danger. Ah bon, hein? Plusieurs sites de nouvelles rapportent de sérieuses blessures causées par ce type de tatouage, comme l'artiste jamaïcain Mace, qui est devenu presque aveugle après avoir tenté de noircir ses yeux. Ben, tu as juste ce que tu mérites. Moi, je suis bien content que tu sois tombé aveugle, parce que t'es un maillet de te vouloir te faire tatouer le blanc des yeux. Sérieux, si vous tombez aveugle parce que vous faites tatouer le blanc des yeux, je vous félicite, je vous dis bravo les champions. Ici, je vous invite à rencontrer le millionnaire Trevor Bannon, alias Candyman. Eh bien oui, attention, cet article contient, semble-t-il, des images explicites. Mais vous êtes correct à la radio, je vais vous filtrer ça. Nombreux sont ceux qui détestent cet homme sur Instagram. Quand vous verrez ses photos, vous le détesterez encore plus. C'est un ancien joueur de l'Australian Football League et ex-mannequin. Trevor Bannon semble partager les mêmes passions que les rois d'Instagram Dan Bilzerian ou Tony Tutuni. Effectivement, moi, c'est tout de suite, j'ai pensé à Dan Bilzerian. Il cultive un goût prononcé pour les belles voitures, les virées en club, la musculation et les demoiselles légèrement vêtues. Ça, on peut pas y en vouloir, mais c'est de faire son frais devant tout le monde. C'est ça qui fait chier le monde, hein, je pense. Il a récemment invité 3 jeunes femmes à résider avec lui dans son manoir, sa propre vision du Playboy Mansion à l'australienne. Il publie régulièrement des photos de sa vie débridée sur son compte Instagram, Candy Shop Mansion, suivi par plus de 430 000 personnes. Donc, on l'aime pas, mais semble-t-il qu'il y a du monde qui l'aime quand même, hein? Et puis, ben c'est ça. Là, tu le vois dans sa pauvre vie, il fait vraiment pitié dans le luxe et les grosses voitures et les grosses poitrines et les charmantes jeunes femmes pas très, très habillées. Sérieusement, allez voir ces photos-là et vous allez comprendre pourquoi les gens l'aiment pas. Sérieux. Tu sais, il y a une photo, à un moment donné, il est assis sur son gros char sport, qui doit valoir à peu près 200-300 000. Et puis, il tient l'entrejambe d'une fille comme si c'était les bobettes, tu sais. C'est lui qui sert de bobette avec sa main. Et puis, tout le monde a l'air d'être content puis fier d'être là. On voit tout le temps lui dans son lit. Dans son lit, il y a tout le temps à peu près 18 filles à moitié à poil. C'est ça. Hein? On voit que monsieur aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup se montrer et faire du mot tu vu. C'est son sport préféré. Allez voir ça, puis vous m'en direz des nouvelles. Et là, j'aime ce qu'un commentaire nous dirait. Un commentaire d'un des internautes qui nous dit « Au fait, qui est le plus stupide, ce gars-là ou ces filles-là? » Et là, on pourrait répondre que c'est un mélange, un méchant mélange des deux. Et puis, qui est le plus stupide, lui ou les 430 000 personnes qui le suivent sur son compte Instagram? Moi, je pense que le plus imbécile et le plus stupide, c'est les 430 000 personnes. Parce que lui, là, je pense qu'il est bien content, il se tape dans les mains. Il est déjà millionnaire, puis d'avoir des personnes comme ça, 430 000 personnes qui le suivent, 430 000 moutons qui le suivent, ben savez-vous quoi? Ça lui donne de la notoriété, puis ça lui donne encore plus d'argent. Hein? Parce que des vedettes comme ça, tantôt on parlait de Dan Bilzerian, là. Eh bien, quand on veut l'inviter, lui-là, là, la gang du Beach Club, il y a-tu de quoi de plus douchebag? Eh bien, ils l'ont déjà fait venir au Beach Club. Puis je pense que ça leur a coûté, genre, juste pour qu'ils atterrissent, ça leur a coûté 30-40 000, juste pour qu'ils soient là. Fait qu'imaginez, c'est qui les plus caves? Je pense pas que ce soit eux autres. Je pense que c'est ceux qui trippent sur ces personnalités comme ça, qui ont rien, finalement, ces personnalités-là. Ben oui, ils sont riches, mais ils ont rien à nous apprendre. Hein? On fait juste dire « Ah! Oh, j'aimerais ça être lui, j'aimerais ça être son ami, ou je sais pas quoi, en tout cas. C'est du caca. C'est comme ça. Ici, de quoi d'un peu plus positif, c'est l'incroyable transformation d'une imprimerie en mini-maison à Québec. Et vraiment une belle mini-maison, très, très urbaine. Le phénomène des mini-maisons gagne en popularité sur la planète et même ici au Québec. Ces micro-maisons, généralement vendues à moins de 100 000 $ Mais j'espère, hein? On séduit plusieurs Québécois, notamment les jeunes, qui souhaitent acquérir une première propriété. Ces petites résidences sont si populaires qu'elles font même l'objet d'un festival à Lantier dans les Laurentides en juillet. Ces tiny houses sont attrayantes pour plusieurs. Les villes, elles sont plutôt réfractaires à leur arrivée sur leur territoire, notamment parce qu'elles rapportent moins de taxes, mais ont besoin pourtant des mêmes services que les propriétés régulières. Quoi qu'il en soit, de plus en plus de mini-maisons font leur apparition dans le paysage québécois. Je vous envoie ici un exemple surprenant, celui d'une imprimerie du quartier Saint-Sauveur à Québec qui a été transformé en mini-maison. On voit la petite imprimerie qui était une petite boutique de rien, là, minuscule, une petite maison carrée qui a vraiment l'air du diable. Et on voit à l'intérieur, c'est le bordel total. Et on voit la cuisine vraiment tout sauf luxueuse. C'est vraiment une petite place, là. On pourrait dire une petite place de pauvre, là, quasiment un crack house. Là, hein? Et puis après, eh bien, on dirait complètement une autre. On est ailleurs, là. C'est une maison très, très carrée, très, très design, très maison d'architecte. À l'intérieur, tout est en inox. Les lumières, c'est très mode. On voit des genres de... Comment qu'on... Tu sais, il y a des panaches, c'est décoré de façon très, très design. La maison est toute en... Il y a comme deux pièces, finalement. Il y a la salle de séjour où on retrouve salon, cuisine, cuisinette et salle à manger, toutes dans la même pièce. Et on a une chambre à coucher. Mais sérieusement, les comptoirs en marbre, tout ça, vraiment un joli, joli design. Et ça donne bien parce que c'est le site Joli, Joli, Joli Design à qui on doit cette transformation. Qui est de plus ou moins 600 pieds. Elle a nécessité 3 mois de travail. Elle a été conçue par Sylvain Bertillaume, copropriétaire de Novaro, une entreprise spécialisée en armoires de cuisine et de salles de bain. Que diriez-vous de vivre dans une mini-maison? Ben, si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, si vous n'avez pas beaucoup de stock, c'est génial. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a plein de passion, et puis que vous faites de la musique ou que, exemple, vous faites de la... Peu importe, de la peinture, genre, etc. Ben, c'est pas un endroit comme ça. Ça va vous prendre un atelier à part, ça, c'est sûr. Puis si vous avez beaucoup de bébelles aussi, même si vous avez, je sais pas, une collection de vinyles ou d'une bibliothèque extraordinaire, c'est sûr que ces mini-maisons-là sont pas pour vous. Mais sinon, c'est vraiment intéressant. Autre petit bémol, par contre, dans l'article, on nous dit des petites maisons à 100 000 $. Ici, là, en Mauricie, il y a encore plein de maisons autour de 100 000 $. Alors, moi, je vous dirais, au lieu d'aller vivre dans une minuscule maison, ben, trouvez-vous-en une en région, une maison, puis vous allez avoir tout l'espace pour faire toutes vos passions et puis vous amuser à loisir. Tiens, on va terminer avec cette nouvelle ici. Avant d'aller en pause publicitaire, c'est une dame qui a choisi la dent de sagesse de son fiancé comme bague de fiançailles. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça coûte moins cher, puis c'est beaucoup plus personnalisé, hein. Et puis, moins cher, une dent de quelqu'un, là, je veux dire, c'est quelque chose d'unique. Autant qu'un diamant ou n'importe quoi, là. Et puis, c'est la vie qui a amené ça là. C'est pas juste des roches là, qui ont fait un diamant. Moi, je trouve que l'idée est extraordinaire. Donc, Carla Lifekey et Lucas Unger de Californie se sont rencontrés à un festival au Canada plus tôt cette année et se sont fiancés à l'Halloween. Les deux amoureux sont fiers de former un couple non traditionnel et pour leur fiançailles, ils ont ensemble décidé d'utiliser la dent de sagesse de Unger pour faire la bague de Lifekey. Quand nous en avons parlé, j'ai dit que les diamants sont tellement surestimés. Et qu'est-ce qui fait qu'un diamant signifie dans, et qu'est-ce qu'un diamant signifie dans une relation? J'ai littéralement la sagesse de mon mari sur mon doigt. Le couple a ensuite apporté une dent de sagesse de Unger chez un bijoutier pour qu'il leur crée une bague unique. Malgré qu'il ait choisi la bague ensemble, Unger n'a pas laissé Lifekey voir le produit final avant qu'il pose la question ultime, samedi dernier, à genoux, devant la famille. Lifekey, qui se remet actuellement d'une jambe fracturée, affirme que le couple va se marier à Los Angeles ce mois-ci. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Très, très, très, très bonne idée. Rangez-vous votre pain dans le réfrigérateur. Eh bien, la vérité est que si vous souhaitez garder votre pain frais le plus longtemps possible, l'emballer dans du plastique et le ranger au frigo est la pire chose que vous pouvez lui faire. Ça sonne plutôt contradictoire puisque le réfrigérateur a justement été inventé pour nous permettre de conserver les aliments plus longtemps. L'explication logique, eh bien, SiriusHeat.com explique que c'est le processus de dégradation et de recristallisation de l'amidon qui est derrière tout ça. En des mots plus simples, lorsque l'on façonne un pain, on brise son amidon en le manipulant et en le pétrissant, ce qui le rend le produit final moelleux et tendre. Une fois le pain cuit, son amidon retrouvera son état initial de cristallisation. Les basses températures d'un réfrigérateur accélèrent ce processus de cristallisation. Voilà pourquoi votre pain devient dur. Alors, comment entreposer votre pain pour le garder moelleux et frais le plus longtemps possible? Eh bien, commencez par acheter des miches de pain entières, non tranchées. Coupez ce dont vous avez besoin au fur et à mesure. Entreposez votre pain au congélateur. Sortez les tranches au fur et à mesure pour les faire décongeler à température ambiante en quelques minutes. C'est le truc pour avoir du pain plus frais. Et puis, hein, moi, ça doit faire à peu près... Non, c'est pas vrai. Depuis juin 2014, je pense que j'ai acheté un pain. Un pain tranché depuis juin 2014. J'ai acheté quelquefois là, des pains pour faire des sandwichs, des petits buns, des affaires comme ça. Mais un pain régulier, ben, je l'ai fait tous les jours que la vie m'apporte. Et puis, je fais pas des pains tous les jours. J'en mange pas tant que ça. Mais je veux dire, je fais mon pain. Et puis, je vous invite à faire la même chose. C'est tellement pas long. C'est tellement facile. Puis, ça prend rien. Ça vous prend là, comme outil. Moi, je vous dirais, ça vous prend du papier parchemin. Puis, ça vous prend de la volonté. Puis ça vous prend un cul de poule, tout simplement. Avec ça, achetez-vous une poche de farine chez Presto à 15$, vous allez en avoir pendant 6 mois. Et puis, ça vous prend de la levure, ça aussi, vous allez en acheter une fois, vous allez en avoir pendant très, très longtemps. Alors, c'est ça, c'est mes petits conseils. Sinon, on va se terminer avec une nouvelle atroce. Est-ce qu'on l'a fait? Ouais, on va la faire. C'est une dame qui a été lapidée à mort par des talibans et pour cause d'adultère. C'est une jeune Afghane qui a été lapidée par des talibans et des chefs de guerre pour avoir voulu s'enfuir avec son amant. Donc, une pratique qui rappelle des heures sombres du régime islamiste ultra-fondamentaliste en Afghanistan. Une vidéo présentée par les autorités comme étant celle du supplice circule sur les réseaux sociaux et a été diffusée à la télévision. La lapidation s'est déroulée il y a environ une semaine à Galim, une zone montagneuse et désertique de la province de Gorkha. Bogor, aux mains des talibans, a déclaré la gouverneure Sima Joyanda. Madame Joyanda est l'une des deux seules femmes à gouverner l'une des 34 provinces de l'Afghanistan, où la société est encore largement, même presque uniquement patriarcale. Sur la vidéo, la jeune femme se tient debout dans un trou creusé dans le sol, d'où seule sa tête dépasse. Un homme vêtu de noir amasse alors une pierre et lui lance à bout portant, puis trois de ses compagnons l'imitent. L'un des hommes invite à réciter le Chahada, la profession de foi musulmane. Une jeune fille dit alors à voix faible « Il n'y a de Dieu que Dieu » avant que la séquence s'interrompe. Et on peut s'imaginer le reste. Hein? Adul Ay Katabi, porte-parole de la gouverneure, a assuré que la vidéo était authentique. c'est ça le pire. La victime, prénommée Rukhshana, a été lapidée à mort par des talibans, des dignitaires religieux et des chefs de guerre irresponsables, a réagi Simea Joyanda, la dame. Selon elle, Rukhshana avait entre 21 et 19 ans. Elle a été mariée à un homme. Contre son gré, elle s'est enfuie avec un autre homme de son âge. La responsable provinciale a condamné le meurtre et a appelé le gouvernement central de Kaboul à nettoyer cette zone sous contrôle insurgé des talibans. C'est le premier incident de ce type dans cette région et ne sera pas le dernier. Les femmes rencontrent des difficultés dans tout le pays. Et particulièrement à Gor, une province très pauvre, a encore expliqué Sima Joyanda. La chef de la police provinciale, Mustafa Moisei, a confirmé qu'il s'agissait de la première lapidation survenue dans la région cette année. La lapidation est un châtiment prévu dans la loi islamique pour les hommes ou les femmes mariées reconnues coupables d'avoir eu des rapports sexuels hors mariage. Cette peine est très rarement appliquée dans les pays musulmans et était utilisée à l'époque où les talibans dirigeaient l'Afghanistan de 1996 à 2001. Les talibans tenant une interprétation ultra rigoureuse de la charia. Cette loi islamique était régulièrement dénoncée par la communauté internationale pour le traitement réservé aux femmes lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et ça continue, et j'espère que là, ça va cesser finalement. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.